Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On en saura plus sur les activités de l'ingénieur culinaire en recevant le président ex-marchand. On apprendra si on aime ou pas ce qu'on mettra dans notre bouche dans une grosse pointe d'adresse. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce jeudi 6 octobre 2016. On est à 203 jours de la fin de l'année scolaire 2016-2017 et je m'appelle Mathieu Plantin. Et moi, Tania Baudin. On t'en dirait l'issue de 6 fois à Trois-Rivières où l'indice d'alcool dans le vent. Hey boy, je suis sûre que te rend aussi en état d'ébriété que, tu sais, ils disent que la fumée des cigarettes, c'est nocif pour toi. Je suis sûre que présentement, dans l'immeuble, juste sentir ce que ça fait te rend sous. Oui, probablement. On l'est tous. On commence l'émission un petit peu pompette. C'est dégueulasse. Après les recettes pompettes, la radio pompette. Et voilà. Mais pas d'Éric Salvaille parce qu'on l'a, c'est vu. Là. Non, c'est ça. Ça va faire Éric Salvaille, on sait. Donc aujourd'hui l'émission, Tania, on a plusieurs chroniqueurs. On a un chroniqueur et un invité spécial. Voilà. Donc à 8h, oui, à 8h, on va avoir Alex Marchand, le président de l'AGEQTR, pour parler des activités passées, présentes et à venir de l'Association générale des étudiants de l'UQTR. Ça s'en vient à 8h. À 8h30, notre invité spécial sera Laurent. OK. Laurent, qui va venir nous parler du Festival des microbrasseries qui a lieu ce soir. Laurent, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme notre nouvel hémisphère droit à tous. Ah, OK. Mais quoi, c'est gentil? Ben, le petit, c'est le bras droit, non? L'hémisphère droit, c'est le côté créatif. C'est celui qui se rappelle de tout. Ah, voilà, voilà. Donc, Laurent sera avec nous à 8h30. On a notre chronique maison, une grosse pointe d'adresse en fin d'émission. On va goûter un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en dépanneur, en épicerie, quelque chose de malsain, de la malbouffe. Mm-hmm. Donc, ça, c'est vers la fin d'émission. Ça va être après Laurent, donc pour le reste de l'émission. On va débuter avec toi dans quelques instants. Tania Isgolan-Tutinia, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Eh bien, comme les deux derniers jeudis, en fait, je m'en vais dire lundi, ça va pas bien. Mais jeudi, je vais vous présenter ce qui a retenu mon attention dans l'actualité ou ce qui a fait le tour de mes médias sociaux et qui a retenu mon attention. Donc, sachez que je sais que c'est pas vraiment la même chose pour tout le monde. Mais bon, ça va être ça. Les nouvelles selon Tania, voilà. Oui. Donc ça, c'était dans quelques minutes, à peine dans 3 minutes 17, juste après une pièce de Etou Broussé sur le palmarès anglophone. Voici Lasca. Pas Lasca, ça c'était hier. Ah, OK, ouais, ça c'était hier. Ben, ça, c'est... ce matin, plutôt ce matin, mettons. Ouais. Dans les 2, 3, 4 heures ce matin. À l'odeur que ça a, c'est sûr, c'était tôt. Yeah. Et tout broussé, la pièce Lasca. Dans Assemblage Rocky, votre émission matinale en pièces détachées. Et les moments que vous attendez, d'habitude, arrivent plus tard dans l'émission. C'est vrai. Mais là, Colin, dès le départ, vous allez vous réveiller, là, avec une petite envie de Tanya is gonna entertain. C'était une petite Tanya qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tanya. And she's gonna entertain. Bonjour Tanya. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Good, good, good, good, good. Aujourd'hui, tu nous parles d'actualité selon ton filtre toi-même. Oui, exactement. Ouais. Parce qu'on sait, bien souvent, il va y avoir un algorithme X sur les médias sociaux qui vont faire que ça va être des articles bien souvent dirigés vers ce que vous aimez déjà. Oui. Vers des centres d'intérêt. J'ai un cheveu dans la bouche, Mathieu. Vers des centres d'intérêt. C'est pas encore une grosse pointe en dresse, Tanya. Non, fais c'est attention. Ça, je sais. C'est plus tard, ça. Vers des centres d'intérêt que vous avez déjà. Donc, à la base, c'est sûr que les nouvelles que vous allez voir passer sur votre fil d'actualité, que ce soit sur Facebook, Twitter ou peu importe votre média, ça va pas nécessairement être la même chose pour tout le monde. Donc, bien évidemment, avec ceux-là, j'ai fait un filtre moi-même de ceux que j'ai vus sur mes médias sociaux à moi, mais j'ai tendance aussi à lire le journal. Ben, c'est ça, aller voir ailleurs. Ce qui est bizarre avec Facebook, c'est qu'ils vont te proposer des nouvelles qui vont t'intéresser, donc quelque chose que tu trouves intéressant, que tu vas aller lire, que tu vas commenter, que tu vas liker. Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup l'anti-nouvelle, comme dans j'aime lire des nouvelles anti-républicaines américaines, mettons. Fait que je suis beaucoup de blogs qui sont contre ça, qui expliquent pourquoi ils ont tort, ou encore des articles parodiés. Donc ça, c'est pas supposé. Facebook est supposé cacher ça depuis quelques temps, les parodies, ah oui, ou les mettre moins en évidence. Okay. Mais c'est ce que je cherche, moi, sur Facebook. Quand je vais sur Facebook, c'est pas souvent, c'est pour voir de la parodie, rire des nouvelles, puis rire des républicains. Bon, tu vois? Fait que on Facebook, sait ce que Mathieu veut. C'est ça, vous le savez maintenant. Mathieu, dans ma chronique, je te mets un défi. Il va falloir que tu trouves à un certain moment quel va être mon gag. OK, le poisson d'avril au mois d'octobre. Non, tu vas voir. OK, j'ai hâte. Je vais commencer par parler d'une émission qui est nouvelle. C'est faux! C'est faux! Qui a retenu mon attention un petit peu parce que j'ai écouté les deux premiers épisodes. On parle de Halt, qui est présenté à vrac.tv, oui. Avec à la tête de l'émission Phil Roy. Et sa barbe. Et sa barbe aussi, bien évidemment. En grosse évidence aussi, la barbe. mais j'ai comme l'impression que plusieurs, à un certain moment, pensaient que Phil Roy serait peut-être décevant dans ce genre d'émission-là. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Halt veut dire actualité légèrement tordue. C'est le titre de l'émission. Mais après avoir fait deux visionnements des trois premiers épisodes, je dois dire que je suis très surprise. En premier lieu, on doit dire que ce n'est pas une émission d'actualité qui dure vraiment pendant des heures. Là. C'est une demi-heure, c'est une demi-heure. Minutes, ouais. C'est une demi-heure avec les publicités, donc on s'entend que c'est une vingtaine de minutes. Par contre, les sujets qui sont traités sont vraiment des sujets d'actualité, que ce soit ici au Québec ou que ce soit encore à l'international. Donc, c'est très, très le fun et j'ai l'impression qu'on s'est greffé justement à Phil Roy une équipe assez solide, merci, mais qui change. C'est des reportages, des trucs comme ça? Oui, dans ce style-là, des reportages où on va tout simplement discuter de quelque chose qui s'est produit dans l'actualité. Donc, de ce côté-là, si jamais vous êtes du genre à vous intéresser à l'actualité, mais tu sais, pas à écouter, par exemple, LCN en permanence. Pas des trucs secs, mettons. Exactement. Bien, c'est une très, très bonne alternative. Et ce que j'aime beaucoup dans tout ça, c'est que oui, bien évidemment, c'est présenté à vrac.tv. Donc, c'est pour les jeunes à la base, mais ça va justement jeunes donner... Jeunes adultes, dorénavant, les ils ont jeunes changé adultes, l'image. Voilà. T'as bien raison. Oui. Et c'est pour donner justement cet intérêt-là aux jeunes adultes qu'on n'avait pas nécessairement parce que c'était pas présenté nulle part sous cette forme-là. Absolument pas. Et on est vraiment le public cible. Maintenant, VRAC s'est rendu les jeunes adultes, donc on est les moins de 35 ans, c'est nous qui visent, là. C'est plus les 12 à 14 ans. Non, c'est vrai, tout à fait. Puis ça me fait beaucoup penser à justement l'ère de la web télé. C'est vraiment basé sur la même chose. On dirait quasiment que ça a été tapé one take. C'est pas léché, il n'y a pas de surproduction à la Radio-Canada. Exactement. Vous allez, excusez, mais vous allez entendre sacré. C'est vraiment du vrai pour du vrai. Puis ça parle comme ça parle, mais de thèmes d'actualité. Mmh. Donc j'ai une mention spéciale pour eux aujourd'hui parce que je suis restée. J'ai hâte de regarder ça. Oui, moi-même, je pensais que Phil Roy allait être décevant dans cette émission. Ben, parce qu'on est habitué de voir Phil Roy dans des émissions genre où il est genre le rôle de soutien, nous, mettons. Oui. C'était quoi le décor penché avec là, Éric Salvaille? Oh mon Dieu. Ce soir, tout est permis, truc. Oui. Bon, SNL Québec, évidemment, on l'a vu. Où est-ce qu'on l'a vu? Ah, animer un truc de vidéo, de web, la musique plus. Là. C'était quoi cette émission-là? C'était mauvais, là. un genre de drôle de, vidéo, mais avec ses droits, là. Bref, tout ce qu'on avait vu de lui, c'était des affaires vraiment comme merdiques. Là. Bon. Fait quand même, la barre était basse, fait qu'il l'a... Oh, il l'a bien monté. Il l'a bien monté, voilà. C'est bien. Tant mieux pour lui et je suis content de voir ça. Oui, ouais. Vraiment. Une des deuxièmes choses qui a retenu mon attention, une c'est des pas... deuxièmes choses. C'est bien ce que j'ai dit, hein? T'as un ex-écho? Non, ben, pas vraiment. Mais une deuxième chose qui a retenu mon attention, c'est pas nécessairement dans l'actualité, sachez-le, sauf que ça l'a fait... intrusion dans ma vie cette semaine. J'ai un de mes amis qui m'a parlé du DJ Hub Shawinigan. Oui, ça a l'air cool. Moi et Mathieu, on s'est donné à la visite guidée Internet de cet endroit. On se croirait à Silicon Valley. À Silicon Valley, dans les bureaux de Google. Ouais. Vraiment, c'est merveilleux. Donc, pour ceux qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce que le DJ Hub Shawinigan, bien, c'est un organisme, sachez-le, c'est pas une entreprise. C'est vraiment un organisme qui a été créé en 2014 et qui visait et qui vise toujours la redynamisation. Merci. La redynamisation de l'économie locale. On le sait, Shawinigan, depuis une certaine année, ça l'a baissé à cause de justement les manufactures qui ont fermé les usines, tout ça. Donc, de ce côté-là, on cherchait justement à faire redynamiser la ville, l'économie. Donc, on essaie de stimuler la création d'emplois dans un domaine innovant. C'est situé au Centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins de Shawinigan. Et le DJ Hub Shawinigan, ça se positionne un peu comme un acteur de développement régional, mais non seulement pour sa propre ville, mais également pour la Mauricie et l'ensemble du Québec, mais aussi la francophonie. Donc ça veut dire que vous pouvez vous abonner, par exemple, simplement pour une journée à l'endroit. Vous pouvez vous abonner pour une semaine, un mois. Vous avez différents forfaits. T'as aussi le forfait juste pour reprendre la glissade qui mène du deuxième au premier étage. Tu fais juste ça. Moi, je veux aller là juste pour essayer. C'est un petit bracelet, t'as le droit à une barbe à papa aussi. C'est ça. Sachez-le parce que les bureaux sont très, très, très modernes. Ouais. On parlait de Google tout à l'heure. C'est vraiment à air ouverte. Ça travaille un petit peu partout dans l'immeuble. Il y a une glissade. C'est malade. Par contre, je dois dire, il y a une glissade, c'est cool, mais ça manque d'un genre de gros bac à balles de caoutchouc. Ah, c'est vrai. Ça manque. Il devrait arriver là-dedans. C'est ça, plein de pipi d'enfant, genre, dedans. Pour faire vraiment réaliste, là, ça. Mais oui, vraiment. Donc, on parle vraiment d'un décor ludique, mais qui est digne des grandes entreprises, là, comme on vient de dire avec Google, Silicon Valley. Et le DJ Hub Shawinigan, bien, ça offre un écosystème complet pour le développement des projets dans le divertissement numérique. Donc, il y a plusieurs entreprises qui vont se ramasser là, selon les forfaits qu'ils ont achetés, pour justement développer leur entreprise, mais le faire de façon moderne, dans un endroit à air ouverte, avec différentes entreprises qui vont être là aussi. Donc, c'est très, très le fun parce que ça amène justement à la diversification des entreprises et des conversations que tu peux avoir avec les gens autour de toi. Voilà. Cool! C'est vraiment très, très cool. Oui! Ouais. Et la visite guidée, pour vrai, allez-y sur chercher DJ Hub. C'est en 360 degrés avec une personne, une jolie jeune femme, une jeune femme. Mathieu, si tu vas chez DJ Hub, en passant, tu peux la rencontrer parce qu'elle travaille là. Ben voyons donc! j'ai vu les gens qui travaillent sur le site. Est-ce qu'il y a des offres d'emploi? Une blague. Non, mais on pourrait demander à Sifu de s'acheter une semaine là-bas. C'est un petit local, peut-être. C'est local. Ça. Exactement. On prend pas grand place, là. On n'est vraiment pas beaucoup d'employés. Exactement. Exactement. Autre chose qui a retenu mon attention dans l'actualité, c'est que hier, il y a eu une grande nouvelle quand même qui est sortie. Le Canada a ratifié l'accord avec Paris. L'accord de Paris, donc le Canada s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005, okay. On s'entend. On parle d'un grand moment pour le Canada et de Washington à Ottawa, en passant par les principales capitales des pays de l'Europe. Mettons, on a souligné à grands traits justement cette entrée-là qui va être en vigueur prochainement de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Qui espérons va résulter de la ratification de l'accord par un nombre suffisant de pays au cours des dernières semaines. Donc, il y a de plus en plus de monde qui se rattache à ce fameux accord-là. Et le Canada fait partie de la liste, bien évidemment, des différents pays qui ont officiellement ratifié l'accord à la suite d'un vote de 207 à 81. OK, quand même. À la Chambre des communes, au terme de 3 jours de débat. Qui souvent était très, très chaud, là, apparemment. Ça a joué dur d'un coin. Mais le Parti libéral, le NPD, le Bloc québécois ont voté en faveur de la motion ratifiant justement l'accord, tandis que le Parti conservateur, lui, a voté contre. Bon, hein? Rabat-joie. C'est ça. Mais bon. Le vote a eu lieu quelques heures après que l'ONU ait annoncé que l'accord de Paris sur le climat entrerait en vigueur dans 30 jours, soit avant le coup d'envoi de la prochaine grande conférence climat qui s'appelle COP22 à Marrakech au Maroc. Et le seuil requis, la ratification par 55 pays représentant au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre a été franchi. Mmh. Donc c'est bien, là, on commence à faire de nouveaux pas pour justement améliorer le monde dans lequel nous vivons. Tranquillement, oui. Très tranquillement. Mathieu, est-ce que tu savais que la durée de vie humaine aurait atteint ses limites? Ah non, pour vrai. Ben oui, parce que bien qu'on l'espère... comment je pourrais dire ça? Bien qu'on espère que l'espérance de vie ne cesse jamais... Oui, c'est ça, ben oui. On s'entend qu'au cours des 20 premiers siècles, ça l'a augmenté de beaucoup, mais la durée maximale de la vie humaine pourrait justement avoir atteint son seuil, là, c'est son top. Là. Ouais. Donc, selon une étude qui a été publiée mercredi dans la revue scientifique britannique Nature, on parle des résultats qui suggèrent en fait fortement que la durée maximale de vie des êtres humains est fixe et elle est soumise à des contraintes naturelles. Okay. Donc, par exemple, en 2014, il y a une étude française qui avait démontré que l'espérance de vie plafonnait à ce moment-là et depuis quelques années chez les athlètes de très haut niveau, comme chez les super centenaires. Ça, c'est les personnes qui ont... 115 ans, genre. Ben, c'est ça, qui dépassent le 110, en fait. Donc, il y a personne qui avait eu le record de longévité de la Française Jeanne Calment, qui est décédée à l'âge de 122 ans, mais on estime le tout à 125 ans. Tu pourrais pas aller plus haut que 125 ans. C'est sûr qu'il pourrait y avoir des exceptions. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que, oui, il y a eu une montée de l'espérance de vie dans le 20e siècle assez remarquable, mais depuis 1980, on remarque qu'il y a un déclin de l'espérance de vie, justement. Okay. Là, on se commence à se poser les questions « Pourquoi? » Parce que pourquoi est-ce qu'en telle et telle date, on a eu justement une montée de l'espérance de vie, mais que là, on recommence à redescendre. On se rend compte que les gens n'ont plus nécessairement, justement, une espérance de vie qui est aussi grande que celle qu'on avait avant. Donc, on commence à rechuter dans le nombre d'années d'espérance. C'est les pop puis la liqueur brune. Ah, peut-être, c'est peut-être ça, Mathieu. Mais en tant que scientifiques, ils disent que leur devoir est de dire justement la vérité, même si c'est pas tout à fait agréable à entendre parfois. Et pour certaines personnes en quête d'immortalité, là, ça se fait encore. Là. C'est des choses qui... oui. C'est wannabe super-héros. Ça existe pour vrai! Eh bien, selon les scientifiques, ces gens-là vont quand même continuer à mettre leur espoir dans des technologies qui sont pas encore découvertes. On va mettre nos énergies, on va mettre notre argent aussi dans ça. Donc, pour justement dépasser les fameuses limites actuelles qui sont topées à 125 ans. Cool. Sachez-le. C'est triste. C'est quand même pas mal, je trouve. Ben, moi, je trouve ça quand même vraiment beaucoup. Mais ils disent que... Il y a pas beaucoup de monde qui se rend jusque-là non plus. Ben, c'est ça. Puis ils disent que, justement, pour accéder à 125 ans et pour dépasser les 125 ans, il faudrait peut-être avoir des avancées thérapeutiques qui sont capables de maîtriser les nombreux variants génétiques qui semblent déterminer collectivement la durée de vie humaine. Donc, on devrait... Il faudrait être capable de changer beaucoup de choses dans un corps humain pour pouvoir atteindre le 125 ans. Ouais, mais la recherche en médecine avance génétique, tellement vite. Oui, c'est ça. T'as bien raison. Ça pourrait peut-être arriver un jour. Peut-être. Il y a quelques jours, on a appris au Canada qu'on aurait une taxe de carbone. Je ne sais pas si toi, tu es au courant. Non, je sais pas. Mais cette fameuse taxe de carbone-là a été beaucoup, beaucoup contestée cette semaine. Donc, la taxe sur le carbone qui a été annoncée par le gouvernement libéral de Justin Trudeau a fait l'unanimité contre elle, en fait. Okay. C'est pas tout le monde qui sont en faveur. Donc, du moins, c'est à la Chambre des communes. Là. C'est pas nécessairement tous les habitants. La population, ouais, c'est exact. Ça. Ouais. Mais les conservateurs, comme les néo-démocrates et les bloquistes, dénoncent cette fameuse taxe-là. Mais les conservateurs sont pour, je te gage, le contraire des autres. Ben, tu sais, ben, ça doit tout être, ça. C'est ça. Mais, mais bien parce qu'il s'agit d'une taxe. OK, je comprends, ouais. On n'est pas nécessairement contre parce que c'est une mauvaise chose que cette taxe-là arrive. C'est on est contre parce que c'est une taxe. Mm-hmm. Et les autres parce qu'elle ne saurait pas faire... Elle ne saurait faire office d'un plan de lutte contre les changements climatiques. Okay. Donc, en fait, la taxe de carbone, c'est une taxe qui a été annoncée cette semaine qui dit justement... Attendez, j'ai retrouvé le bon paragraphe, mais qui dit que le premier ministre a annoncé que les provinces devraient se doter soit d'une taxe sur le carbone, soit d'un système de plafonnement et d'échange d'émissions de gaz à effet de serre, sans quoi Ottawa va le faire à leur place. Mm-hmm. Donc, le prix plancher du carbone sera de 10 $ la tonne en 2018 et va augmenter de 10 $ par année pour atteindre 50 $ la tonne en 2022. OK, c'est pas par 4 litres comme le lait aux dépanneurs et leur prix plancher. Non, non, en effet. Mais par contre, si on regarde ça comme ça, cette taxe-là est peut-être pas si mauvaise que ça. Parce que si les gens veulent pas la payer, ils vont arrêter d'utiliser tout ce qui fait des gaz à effet de serre. Je sais pas si ça marche comme ça. Ben, probablement. Les entreprises, ils ont pas le choix des fois. Les usines. Ben oui, c'est sûr. Mais si tu continues à, je sais pas moi, polluer l'environnement dans lequel tu vis, pèse les pauvres, les cons. Ouais, mais ils font de l'argent. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, le gouvernement va en faire encore plus avec cette taxe. Voilà. Espèce de conservatrice. Ben, je suis pas conservatrice, non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que peut-être que cette taxe-là était mal annoncée ou a été mal mise en place. Peut-être mal expliquée. Mal expliquée. Mmh. Comme on dit, on n'a pas nécessairement un plan de lutte contre les changements climatiques avec cette taxe-là. Donc, on n'a peut-être pas encore assez élaboré sur cette taxe-là. On n'a peut-être pas encore assez parlé, mais je pense pas qu'à un certain point, ça soit une si mauvaise chose. Peut-être qu'elle peut être modifiée et ensuite acceptée. Probablement. Ouais. En tout cas, ça serait quasiment le meilleur des deux mondes. Ben oui. Mathieu, Twitter, bas de l'aile. Ah bon? Oh, pauvre petit oiseau bleu. On a ça va pas bien chez Twitter ces temps-ci. Hein? ça a retenu mon attention assez parce que le titre Twitter à la bourse a plongé de 9,21% vers 16h, c'est-à-dire hier, sachez-le. Oui, hier étant mercredi après. Mercredi, oui, si vous nous écoutez en ça en joue pas mal souvent. Donc, les échanges électroniques ont suivi la clôture de la bourse de New York et les spéculations sur un potentiel rachat de Twitter sont récurrentes. Ce sont des rumeurs beaucoup. Ça pourrait être un achat et ensuite une fermeture. Oui, tout à fait. Ouais. Mais elles ont repris de plus belle ces dernières semaines parce qu'on dit que Google pourrait acheter Twitter. Pour fermer Google Plus parce que personne s'en sert. Je sais pas, ça serait peut-être une bonne idée, non. Mais il y a des discussions qui avaient eu lieu, notamment avec le groupe informatique Salesforce, d'après une source proche du dossier. Mais les médias américains ont aussi évoqué une série d'autres précédents potentiels, entre autres Google, qui avait été considéré comme étant un des plus sérieux à pouvoir racheter le titre Twitter. Mais d'après Twitter, c'est pas vrai. D'après Google, c'est pas vrai. Ouais, mais faut tout le temps nier tout dans ces affaires-là. Ben oui, regarde sinon, Apple avec McLaren, les deux se nient présentement. Ça s'enlève l'effet de levier dans ce temps-là. Oui, c'est vrai. Si tu dis oui. Mais c'est quelque chose qui, tu sais, c'est Twitter ferme, ça va pas bien. Mais pas ça va pas bien, parce que ça va, on s'entend que c'est pas quelque chose... Non, est-ce que tu t'ennuies de MySpace, est-ce que tu t'ennuies de Friendster, est-ce que tu t'ennuies de toutes les autres qu'il y a eu avant, là, Caramel, Messenger, mais je comprends pas pourquoi Twitter et Facebook, ça l'irait pas. Ouais, mais tu sais, le but est pas le même. Facebook, c'est plus... c'est très, très... Ben, ouais, Twitter un petit peu rendu comme ça aussi, mais c'est plus, tu fais plus d'affaires sur Facebook. C'est vrai, sur c'est Twitter, vrai. C'est très, très restreint, il faut suivre le bon monde pour avoir quelque chose d'intéressant, sinon il se passe absolument rien. L'utilité est là, mais c'était une mode très passagère, je trouve. Je pense pas qu'on va s'ennuyer. Moi, je pense que... Mais c'était beaucoup plus centré sur les personnes qui sont célèbres. C'est ça, exactement. Moi, je pense que tout ce qu'on va retenir de Twitter dans peut-être 5 ans, ça va être le fait des hashtags qui sont rendus partout grâce à eux. C'est vrai. Les A commerciales et un nom d'utilisateur qui sont rendus partout aussi. Et c'est pas mal ça. Ouais, et puis le nombre de caractères. Ah, déjà, là, ils ont enlevé toutes les règles. Maintenant, les images, les citations de d'autres, il n'y a plus rien qui compte dans ton 140 caractères. Ah, pour vrai? Tout ce qui est entre les autres affaires compte, mais il n'y a plus, tu sais, les « at » quelque chose, puis les... Il n'y a plus rien qui compte dans 140. Ils ont enlevé leur seule et unique raison de ouais, c'est ça, de vivre, d'être en fait. De différencier. Je pense pas qu'on va s'ennuyer tant que ça. Non, j'avoue. Hein, Mathieu, tu dois être au courant de tout ça, toi, parce que ce qui est une des choses qui a retenu mon attention cette semaine, c'est qu'il pourrait y avoir bientôt une connexion mobile 200 fois plus rapide que le LTE. Ça va être malade. Donc, c'est l'industrie du mobile qui se prépare à une véritable, appelons ça, révolution. Ouais, évolution, je dirais plus. Ouais, évolution, ouais, j'aime mieux ça. Avec l'arrivée de la 5G, et on croit qu'il y a des résultats obtenus par TELUS et UAI. Huawei. Merci. On les appelle de même Huawei. qui serait quand même très, très concluant. Donc, les deux entreprises qui ont affirmé avoir atteint des vitesses de pointe de 29,3 gigabytes par seconde. Dans les meilleures situations? Oui, en laboratoire, ce qui fait environ 200 fois plus rapide que la LTE actuelle. Ouais. Hey, ça va être rapide. Pour les gens qui disent que c'est trop vite et qu'on n'a pas besoin de ça, vous disiez probablement la même chose sur le 4G dans le temps. Quand vous deviez débrancher votre téléphone pour tout le brancher dans Internet. Puis, ah, voyons, j'ai pas besoin de HD. Et la même affaire que là, j'ai pas besoin du 4K, tu sais. On n'a pas l'impression d'en avoir besoin et quand tu l'as, tu fais comme « Wow, comment j'ai fait pour vivre sans c'est ça? » C'est vrai. On parle pas d'une utilisation généralisée qui va arriver avant 2020, par contre, pour le 5G, mais les clients, par exemple, de TELUS qui habitent la région de Vancouver vont pouvoir bénéficier d'un accès précoce aux technologies mobiles les plus évoluées dans le monde. Donc, c'est ce que soutient la société dans un communiqué. Et la 5G doit entre autres favoriser l'essor des maisons, des entreprises, les villes intelligentes, les voitures autonomes, des innovations dans le domaine de la santé. Donc, on va vraiment amener cette fameuse connexion mobile-là 200 fois plus rapide pour justement créer une espèce de d'engouement autour de ça, mais qui devrait favoriser tout ce qui est technologie. Vidéo haute définition. Par contre, j'espère vraiment que les compagnies de télécommunications vont s'améliorer parce qu'au Canada, les affaires de mettre 1, 2, 3 gigs de données par mois, si vous avez une vitesse de 20 quelques gigs par quoi tantôt, par minute? Par seconde. Par seconde, vous allez vraiment avoir besoin de plus que 3 gigs. C'est vrai, t'as bien par raison. J'ai perdu mon article que je voulais, mais... on a comme pas le choix, faut en parler un petit peu de la course du PQ, là. Je sais que toi et moi, Mathieu, on n'est pas nécessairement péquistes, mais c'est aujourd'hui et demain que ça va se jouer beaucoup. Et entre autres, Alexandre Cloutier semble avoir pris les devants devant Jean-François Lisée depuis les derniers jours. Donc, on parle d'une course qui est quand même assez serrée, qui oppose tous les candidats, dont Jean-François Lisée, Alexandre Cloutier. Il y a d'autres noms, mais vous voyez, je m'en souviens déjà. Et d'autres qui sont moins importants, c'est ça. Paul Saint-Pierre Plamondon et Martine Ouellet. On les oublie déjà pas, mais autres. Ils n'ont aucune chance. Ouais, c'est triste, je suis désolée. Mais Alexandre Cloutier est quand même très, très confiant face à tout ça. Et les votes vont se faire du 5 au 7 octobre. Donc, ça devrait se terminer demain. On devrait avoir les résultats demain en soirée. Mais on est à quelques centimètres de la victoire, selon l'équipe de M. Cloutier. Centimètres? Oui. Ah, ben, faut avoir l'air confiant dans les médias. Mais on a quand même une avance de 31% des intentions de vote pour la part de l'équipe Cloutier face à l'équipe de Jean-François Lisée. Puis après ça, t'as les deux autres. Mais les sondages, hein? on sait pas, ça pourrait revirer de bord. On ne sait jamais. C'est vrai, t'as bien raison. Voilà. Le prochain grand chantier d'Hydro-Québec, ça te dit-tu de quoi? Absolument pas. Je suis même pas au courant du Québec, moi. J'aime tout. Je sais pas. À Trois-Rivières. D'ici 2020, Hydro-Québec va tenter de déterminer son prochain grand projet hydroélectrique après la mise en service des centrales de la Romaine 3 en 2017 et Romaine 4 en 2020. Donc, l'entreprise va entamer sous peu des études préliminaires qui vont cibler entre 4 ou 5 sites potentiels sur le territoire du plan Nord. Et selon Hydro-Québec, c'est important d'évaluer des sites et d'être prêt à démarrer des projets si les besoins de consommation au Québec ou d'exportation nécessitent vraiment plus de puissance. Donc, c'est vraiment des projets comme ça qui vont prendre place dans les dossiers d'Hydro-Québec d'ici quelques temps. Mon dernier article ou ma dernière nouvelle qui a retenu mon attention, c'est sorti hier soir sur le Nouvelliste, donc ici à Trois-Rivières. Il y a beaucoup plus d'employeurs, mais il y a moins de visiteurs au Salon de l'emploi. Ah. Vous savez, le Salon de l'emploi s'est présenté à Shawinigan. C'est la troisième édition du Salon de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat de Shawinigan. Ça a atteint un nouveau plancher au centre Gervais-Auto, apparemment. On a accueilli 2200 visiteurs en 2014 et seulement 1800 l'année dernière. C'est quand même beaucoup de moins, là. L'organisation avait comptabilisé, entre autres, 1300 chercheurs pour ce rendez-vous. Donc, en 2015, il y avait 73 exposants qui étaient présents, 56 employeurs et la meilleure participation depuis le début de toute l'initiative de ce salon de l'emploi-là. Et ça devrait être la même chose cette année. Donc, ça devrait jouer dans les mêmes nombres pour le nombre d'exposants et le nombre d'employeurs qui sont cherchants. Et bien évidemment, moi, j'ai comme l'impression, par contre, que dans ces salons de l'emploi-là, c'est plus des salons de manufacture. Tu sais, pas nécessairement de manufacture, mais tout ce qui est d'usine, Marmène, des employeurs de centaines et de milliers d'employés. Là. Oui. C'est pas des petites compagnies qui vont là nécessairement. C'est ça, exact. Puis on cherche peut-être plus à créer l'entrepreneuriat justement de ce côté-là, ici au Québec. Alors j'ai comme l'impression qu'il y aurait un juste milieu à faire dans les salons de l'emploi. Peut-être aussi de changer les dates. Peut-être qu'il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte là-dedans. Peut-être que les gens sont plus occupés à ce moment-ci de l'année. Je sais pas. Peut-être. Ils ont peut-être déjà trouvé leur emploi, c'est mentionné aussi. Aussi. Ou c'est tout simplement pas dans le domaine qu'ils cherchent. Voilà. Voilà. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Une petite revue de l'actualité selon le filtre de Tania Baudin dans Tania's Gallant Tania tous les matins de semaine à Assemblage Rocky. Merci. Oui, ça fait plaisir. On prend une pause au retour. La chronique de la GEQTA, c'est dans même pas 2 minutes. Très bien. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Sur la joie en ce jeudi 6 octobre 2016, c'est Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Oui, c'est sur notre musique de Vanessa Perrier, amenée par Renard Frac, qu'on fait l'émission d'aujourd'hui. Avant la pause, avant ta chronique, Tania Esgolin-Tugénia, tu m'as dit qu'elle allait avoir une petite chose à trouver. C'est comme un Où est Charlie? Oui, exactement. Dans ta chronique, c'était quoi de trouver le gag? Ouais. Et j'ai pas trouvé le gag dans ta. Un gag? Mathieu, c'était Twitter Baudelaire, là. C'est un gag, ça? Ben oui! Ah. Ça va pas bien, il bat de l'aile, wow, Twitter, mais c'est un oiseau. Ouais, une vraie décision. Hey, ouais. On s'entend que c'est le même genre de joke que tu fais actuellement. Va t'en faire! Un jour, toi, m'a t'envoyé. Boy. Donc, toujours à Assemblage Rocky, oui, et tous les jeudis matin, chaque semaine, on reçoit quelqu'un de la GEQTR. Deux fois de suite, maintenant, c'est le président de la GE qu'on reçoit. C'est lui, Alex Marchand. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur le président? Très bien, vous-même, monsieur Plante. Absolument. Est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se lever debout pour t'accueillir? Ouais, c'est ça. Oh, non, c'est vrai, on va rester assis, les micros sont plus bas. Est-ce que je pense qu'Alex préférait rester assis. il a veillé tard, Alex, hier. Oui, c'était le rallye des assauts, évidemment. Tu bouges pas dans ton bureau ou dans ton corridor? non, pas encore. Là, on va donner au service d'entretien. Quand ils passent, ils font bien leur travail. Donc, ça sent même plus dans les corridors. C'est assez agréable. Mais là, on a eu beaucoup de plaisir hier au rallye des assauts. On a ouvert quelques bières dans le corridor. Puis c'était super le fun. Wow! Party, toi. Ben, cool. C'est le fun. On était heureux de t'avoir. On était pas sûr. Ah, ben, c'est arrivé. T'es un gars. Je respecte mes engagements. Les étudiants et les étudiantes de l'UQTR. Faut me faire confiance. Je vais essayer de te réveiller en te chantant une petite chanson. C'est la chronique de la GEQTR. AGEQTA, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTA parce que l'AGEQTA, ça n'a pas d'âge. Yo! J'aimerais savoir ceux qui jouaient de la flûte là-dessus. Ok, bon, vu que c'est seulement la deuxième fois qu'on a fait jouer cette année, c'est moi qui chante, évidemment, vous l'aurez compris. C'est le brob de François-Yves Marchand qui co-animait avec moi à l'époque. Et c'est la flûte de Jasmine Raymond-Drainville qui était dans l'AGEQTA à ce moment-là aussi. Ok. Donc, c'est même pas toi, le joueur de flûte. Ben, comment tu veux que je chante en même temps que je joue de la flûte? T'aurais pu faire un mix. Je suis pas si talentueux que ça. Non, mais ça, ce que vous savez pas, c'est que ça a été fait live en ondes tel quel, là. Oh mon dieu! Plus la musique qui joue en arrière, là. Ouais. Tu veux la réentendre, plus, ça? Ben, je suis pas certaine. Ben oui, mais faut se la mettre un petit peu en tête, là. AGEQTA, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTA, parce que l'AGEQTA, ça n'a pas d'âge. Yo! Pro! À vous. Pro! J'ai juste remarqué qu'il y a quelqu'un qui dirait que Shake City est devant le micro. Ouais, mais non, c'est un vrai instrument de musique. Ah, c'est un instrument de musique. C'est le. Comment on appelle ça avec les. Par-dessus avec le que tu shake quand tu. Oh l'air. Non, l'affaire que tu brasses là en métal, là, voyons. Ok, Mathieu, c'est. Cymbales, pas de cymbales, non, c'est pas ça. Si on magasinait ensemble des instruments de musique, rappelle-moi de jamais acheter ça. Ben, c'était le band de magasin une pièce là, à l'époque. Ah, mais c'était quand même bon. Ok, ça. Ouais. Et en genre 2011, je pense. 2010. Ok. Si tu me dis que ça a été enregistré live, par exemple, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui se sont données, entre autres toi, donc. Ah, merci beaucoup. Il y a une version très très plus longue de ça, mais je l'ai raccourci avec le temps. Il y a comme 3-4 couplets de cette histoire-là, c'est malade. Oh mon dieu. Est-ce que t'avais écrit le texte avant ou c'est de l'impro de même? Je suis sûr. J'avais écrit quelques bribes, je pense. Oh, Oh boy! Mais c'est pas mal improvisé. Bref, peu importe, je ramènerai la version longue un jour parce que je l'ai à quelque part sur mon ordi. Pourquoi pas? On en meurt tous d'envie. Vous avez l'air si curieux. On va aller se prendre un café, mais putain, bien. Donc, Alex Marchand, on l'a dit, président de la GEQTR, celui qui aimerait mieux ne pas être associé à ce qu'on vient juste de faire. On parle avec toi de nouvelles du passé, du présent et du futur. La semaine passée, c'était une chronique un petit peu privée à la dernière minute, donc on avait vraiment parlé des nouvelles de la semaine, mais là, on a l'occasion de revenir plus loin en arrière avec ce qui s'est passé à la GEQTR depuis la fin de la session d'hiver. Tout ce qu'il y a eu comme un remaniement de postes, de choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en gros, dans l'histoire de la GEQTR après le printemps 2016? Après le printemps 2016, en fait, on a eu notre camp de transition. Donc, avec les anciens exécutants de la GEQTR, on s'est réunis dans un camp. Il y a eu des formations. On a un peu appris à prendre en main notre poste, chacun des officiers de la GEQTR. Donc, on est 9 dans l'équipe, pour ceux qui ne savent pas. Puis, à partir de ce moment-là, on a commencé un peu à travailler sur nos plans d'action. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire pendant notre année au complet? Puis, après ça, est arrivé le camp d'orientation. Donc, à ce camp-là, chacun des officiers présente son plan d'action. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire pendant son année. Puis on en discute, on parle des budgets, on monte tout ça après. Donc c'est à peu près après un mois après le début du mandat. J'ai vraiment dit beaucoup après dans la dernière phrase. C'est correct, c'est quand on pardonne. Il est quand même. C'est vrai, effectivement. Je suis sur l'eau, moi, à battre en plus. Puis c'est ça pour dire qu'on a fini par décider les plans d'action. On les a présentés au conseil d'administration de la GEQTR. C'est pas les mêmes personnes dans le conseil d'administration de l'AGE que dans l'équipe de l'AGE. Non, exactement. Okay. Ben, en fait, les officiers, on est une équipe de 9 personnes. On se réunit à chaque semaine. Avant, c'était les lundis. Maintenant, c'est les vendredis. Donc, on discute des différents sujets qui vont toucher la GEQTR. On en débat. Puis après, on prend des décisions qui vont influencer le cours de l'histoire. Non, mais c'est vrai, ça va rester dans les annales, dans les historiques. De l'université. Mais voilà. Ben, le conseil exécutif va beaucoup plus prendre des décisions qui vont être exécutives. Donc, par rapport aux mandats qui nous ont été confiés par le CA, on va prendre des engagements, puis on va prendre différents... On va exécuter différents mandats qui vont nous avoir été confiés. Ben, il faut le dire que les gens, des fois, CA incorrectement. C'est souvent un comité exécutif, comme genre le conseil d'administration de C'est fou est un petit peu plus un conseil d'administration, mais dans d'autres places, ça pourrait être un conseil exécutif, puis on dit CA pareil, tu sais. Oui, mais c'est un CX. Oui, mais en fait, le conseil exécutif va surtout être composé de, généralement, dans la plupart des organisations, on va dire, mettons, des sociétés par action, par exemple, d'un président, d'un trésorier, secrétaire et d'un conseiller ou deux conseillers, par exemple. Donc, souvent, une équipe d'à peu près 5 personnes qui vont se réunir un peu plus souvent que les personnes qui vont être sur le conseil d'administration. Normalement, okay. Le conseil d'administration va se réunir peut-être 3-4 fois par année. Ah mais, ouais, ok. Oh, oui, mais sauf nous autres, on est wild comme organisation parce qu'on le fait à chaque mois. Non, oh, wow. C'est ça. Des vrais fous. Oui, exactement. Donc, en fait, on a convenu des plans d'action au niveau de la GEQTR. Puis à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler sur la planification de la rentrée et de la session d'hiver. Donc, sur nos plans d'action, on a travaillé vraiment sur beaucoup de points pour arriver, par exemple, au show de la rentrée qui se déroulait le 7 septembre dernier, oui. Avec, entre autres, Jean-Philippe Charbonneau, le directeur de groupe Média étudiants, entre autres de C'est fou et de Zone Campus. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, ce soir-là, que les gens le savent un petit peu. Ouais, on en parle assez fréquemment. Mais en gros, comme tu as dit, c'est le parti de la rentrée de la GEQTR, mais c'était avec la participation de ces fous. Oui, exactement, surtout au niveau de l'organisation. Le GEQTR s'est surtout occupé des bénévoles et de d'autres éléments aussi. On a eu aussi un très bon support de Martin Lambert du service aux étudiants. Ben oui. Martin! J'étais d'ailleurs à faire un heads-up à Solange Lapierre, la vice-présidente aux affaires socio-culturelles de la GEQTR, qui a fait un merveilleux travail dans le show de la rentrée. C'était vraiment incroyable. Donc, Je me rappelle pas de l'avoir. Est-ce que c'est une des nouvelles qui a pris le poste de quelqu'un d'autre qui est parti? Parce que souvent, à la GE, ça arrive parfois. Ça arrive un petit peu souvent que les gens se font élire au printemps, démissionnent, s'en vont pour différentes raisons, peu importe lesquelles. Puis après ça, arrivent d'autres personnes qui sont nominées, eux, par le CA. C'est ça? Oui, exactement. Mais c'est en fait l'élection de base se fait par élection générale. Oui. Donc, tous les étudiants de l'université sont appelés à voter pour des officiers sur le conseil exécutif. Sur Internet, là, tout le monde, c'est très, très fair. Là, tout le monde peut participer à ça. Il y a quand même un taux de participation... Exact. Est-ce que c'est élevé un ou... Un peu pas, là, mais... Ben, on pourrait dire, mettons, à peu près, je pense, cette année, 7 à 8%, si je me rappelle bien, les étudiants se sont prononcés pour le vote. C'est beaucoup moins que les années passées où ça pouvait être dans le coin des 10, des 13, des 15, mais ça a rarement été, je pense, en tout cas, à mon expérience, en beaucoup trop d'années ici, rarement au 15. Oh, sinon, oui, jamais, je pense. Chers étudiants, vous êtes décevants. Ben, c'est décevant parce qu'en tant que tel, c'est genre, tu vas sur uqta.ca, tu cliques sur portail, tu marques ton numéro, tu cliques sur voter pour le GE. Puis surtout qu'ils vont tous travailler pour toi. Là. C'est ça. Mmh. Mais tu sais, les gens sont paresseux. Ouais, c'est des choses. Essayez de le dire. C'est comme ça, c'est vrai. Pas dans ton cours en plus, comme il est où le problème? Ah, écoute pas ton professeur. Je suis sûr qu'elle va te le pardonner parce que c'est pour la bonne cause. Exactement. Voilà. Oui. Bref, on en reparlera au mois de mars. Oui, effectivement. Ouais. Mais en fait, après les élections générales au niveau de l'AGE, il y a une personne qui a démissionné avant le début du mandat, qui était le 1er mai. Donc, elle a assisté à un CA, elle a réalisé cette personne-là que c'était pas fait pour elle. Ouais. Donc, à la place de commencer le mandat puis de pas nécessairement mettre ça, elle a décidé de comment. C'est mieux de même, je pense. Exactement. Ouais, c'est bon choix. Ouais. Sinon, il y en a une autre démission assez tôt dans le mandat. Je dirais que c'est à peu près le deuxième jour de mandat. On a reçu une autre lettre de démission. Donc, ça faisait un exécutif qui était assez anémique. Ouais. On pourrait dire qu'il y avait 7 personnes à la place de 9 pendant un mois. Donc, on a réussi à trouver des gens pour remplacer ces personnes-là à peu près, je dirais, au début du mois de début juin, on a trouvé des gens qui ont voulu prendre ces fonctions-là. Ça a quand même super bien été à partir de là. Je dirais que l'exécutif est complet. On a eu une autre démission, par exemple, au début du mois de septembre, la vice-présidente aux affaires académiques. D'ailleurs, le poste n'est toujours pas comblé. Justement, comment ça fonctionne lorsqu'un poste doit être comblé pour vous? Présentement, on va attendre le CA du 30 octobre. Deux semaines avant le CA, on va ouvrir le poste. Donc, vous pouvez regarder sur les babillards, les affiches et tout ça. Ceux qui veulent postuler vont pouvoir le faire en allant consulter notre adjointe administrative ou notre secrétaire général pour avoir les documents. Okay. À partir de là, il faut réunir 60 signatures qui sont l'équivalent d'un quorum pour une assemblée générale. Donc, c'est vraiment, il faut avoir 60 signatures d'étudiants qui disent « Moi, j'appuie ta candidature, je veux que tu te présentes. » Puis après ça, la personne va être convoquée au CA si elle est seule ou s'il y a d'autres personnes. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont être convoquées au CA du 30 octobre. Puis à partir de ce moment-là, le CA va devoir se prononcer sur la candidature de la vice-présidence aux affaires académiques. Donc, il va y avoir un discours de quelques minutes pour les personnes s'il y en a plusieurs qui se présentent. Et après ça, le CA va devoir discuter puis finalement voter sur la question. Donc, après ça, la personne rentrera en fonction le lendemain du CA automatiquement. Je suppose que c'est dimanche. Donc, le lundi rentrera en fonction de dans les bureaux de l'AGEQTR et dans son nouveau bureau. Et là, t'apprends la job parce que c'est normal de pas savoir comment faire ce poste-là. C'est, on va te le montrer. Mais oui, exactement. Il y a personne qui a de l'expérience avant. C'est comme assez fou quand tu viens animer. On donne une formation. C'est pas des gens qui ont suivi une formation. On te garoche pas devant la console tout seul comme ça, bing bang. C'est ça. Moi, j'aime ça relativiser. C'est fou. On dirait que j'aime ça. Hein. Les parallèles avec les deux. Mais c'est le même genre de choses. On apprend à devenir quelqu'un dans le conseil exécutif de l'AGEQTR. Oui, entre autres. Puis aussi, en fait, c'est le fun avec le poste de vice-président aux affaires académiques de premier cycle. C'est que c'est un peu l'avocat des étudiants. C'est la personne qui va rencontrer le décanat, qui va rencontrer les directeurs de département, les professeurs, dépendamment de où le cas en est rendu, puis qui va défendre les droits des étudiants par rapport à qu'est-ce qui se fait dans l'université. Donc, tu sais, des fois, il y a des cas vraiment qui vont être assez wild, encore une fois, je pourrais dire. Ton mot de la journée. C'est pas ça vient d'où, oui, je l'adore. C'est le reflet de ma soirée d'hier. Il n'y a pas de karaoké. T'as pas chanté Born to be Wild au karaoké mardi, c'est pas ça. Oui, aussi, je vais essayer. Je vais la prendre en note, je vais la faire mardi prochain. Avoir absolument la chaise galerie dès 23h. Tout ça pour dire que c'est ça, cette personne-là a quand même un rôle qui est intéressant à jouer pour les étudiants de l'UQTR dans l'ensemble. En fait, ouais, absolument. Donc là, on était rendu, on a parlé du show de la rentrée, on a parlé des postes qui ont changé. Est-ce qu'il y avait d'autres choses d'importantes à dire qu'on a manqué depuis l'été? Oui, en fait, il y a eu à la fin de l'été les investissements majeurs de l'université au 10-12, comme vous avez pu le voir, mais ce n'est pas encore terminé. On attend impatiemment. T'as dit novembre, hein, je pense. Octobre. Supposé, mais là, on nous a demandé des dates en novembre, fait que là, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Parce que présentement, il y a des parties quand même. Vous avez vu le fond party avec lui, là. Il y en a un ce soir. Oui, le mini-microbrasserie ce soir avec C'est Fou. Donc, ça a lieu dans un local en train d'être peinturé avec des murs dénudés et tout ça. Mais bon, ça fait justement que les travaux prennent encore plus de temps dans ce temps-là. Oui, mais c'est surtout en fait à cause que le financement n'était pas entièrement déboursé par l'université. C'était aussi une partie du ministère. Puis les signatures ont été très longues à obtenir. Fait que là, on se ramasse qu'on est obligé de dealer avec un 10-12 qui n'est pas complet alors qu'il devait l'être pour le show de la rentrée à la base. C'est les non-composés qui font que les signatures sont vraiment longues à faire. C'est difficile. Pas se faire des étangs. Se faire des étangs, bon point. Ça serait quelque chose d'intéressant. On vous tiendra au courant pendant les prochaines semaines. On espère que ça va finir bientôt parce que là, il y a des camions partout de construction sur le campus. Ça fait pas ça super. Ça bouge beaucoup, hein? Oui. Ouais, la piscine aussi, je pense, du côté du Cap, qui a été retravaillée là, durant l'été. Donc, ouais, ça joue beaucoup. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait dessus, ce qu'il y a dedans? Non. Ils ont changé l'eau. je ne pourrais te dire. Ils ont changé le filtre, mis plus de chlore dedans. C'est malade comme. Ils ont changé la toile. Une piscine neuve. C'est beau. Vos longueurs vont être plus joyables. Donc, ça veut dire qu'on revient au présent? Oui, exactement. Donc, la prochaine affaire qu'on avait à dire, c'était le 12 octobre. Qu'est-ce qui s'en vient le 12 octobre? On a le tailgate des Patriots hockey le 12 octobre à la Chasse Galerie. On a plein de beaux partenaires, honnêtement. C'est super le fun. Ça va être une belle activité. Il va y avoir plein de monde. Entre autres, on est en partenariat avec le Carnaval de cette année qui va dévoiler son thème oui. en même temps. Ah, c'est une bonne occasion, ça. Oui. Donc, en plus d'avoir un événement pour la Coupe des Assauts. Donc, non seulement il va y avoir le monde qui s'intéresse au Carnaval, mais il va y avoir aussi des gens qui veulent des points pour la Coupe des Assauts. Puis il va y avoir des hot dogs, de la bière, du monde. Fait que tu sais, je pense que c'est un événement qui va vraiment être une belle réussite. On a bien hâte. Entre autres aussi, c'est le tailgate des Patriots. Ok, donc après ça, on s'en va voir la game. Mais oui, évidemment. C'est ça le principe. On fait pas juste boire pour manger des hot dogs. Donc, chez QTR, procurer des navettes pour qu'on puisse se rendre au Colisée de Trois-Rivières, exactement. Merci. Donc, après ça, on va aller voir la game. Il va y avoir quand même, je pense, une belle énergie dans le stade, étant donné que tout ce beau monde-là s'en va au stade tout de suite après, puis que c'est la première game de la saison. Donc, généralement, la première puis la dernière, c'est quand même des beaux événements. Donc, on a bien hâte de faire ça. Ça va vraiment être super le fun. Puis, on vous invite à venir en grand nombre, chers auditeurs. C'est quand ça? 12 octobre, c'est un. 12 octobre, ça commence à 5. En fait, c'est un peu un 5 à 7, mais c'est on part avant. Prochain. Oui, exactement. Mmh. Le match qui tombe aussi en temps normal pendant le carnaval est très très convoité aussi. Fait qu'il y a trois gros matchs dans la saison. Il y a combien de matchs en gros de hockey, est-ce que c'est ça? Non, je peux pas te dire. Mettons 15 ans. Probablement plus que ça. Plus que ça, ouais, peut-être. Bref, sachez qu'il y a des tailgates pour d'autres sports aussi. Je me rappelle l'année passée, il me semble qu'il y avait eu un tailgate cheerleader ou un tailgate soccer. Donc, une fois de temps en temps, il y en a de d'autres sortes, là, mais c'est sûr que le plus gros, c'est pour le hockey. Ça n'a pas vraiment le choix. C'est le sport québécois. Oui, mm-hmm. Effectivement. Donc, ça, c'est pas mal tout pour l'instant pour les nouvelles de la GQTR. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler de d'autres choses qui vont avoir eu lieu à partir de maintenant jusqu'à jeudi prochain. Effectivement. Et de jeudi à l'autre jeudi. Vous voyez comment c'est bien fait. C'est comme vos CA, vos CX. Le vendredi. Oui, exactement. C'est plate parce que c'est le dernier jour de la semaine. Faites ça pas l'après-midi, toujours. Non, on fait ça le matin. Là. On est tous sur le café, là, c'est super. C'est pas le fun. La première heure, on essaie tous de se réveiller, là, puis après ça, ça va bien. Tu fais une petite taloche, là, c'est comme dans la face du voisin de droite, plus oui. C'est comme une secte, la GE. Ah ouais, d'une certaine façon, oui, mais on est du monde gentil, puis on est accueillant. C'est une famille proche, même si maintenant, ils sont rendus dans des bureaux chacun séparés. Avant, c'était. Vous savez que les bureaux de C'est Fou étaient les anciens bureaux de la GE. Oh oui, j'ai entendu parler. Ouais, où tout le monde, il y avait comme trois locaux, puis il y avait plusieurs personnes en gang dans chaque bureau. Là, maintenant, c'est vraiment un ou deux, je pense, par bureau, et c'est sectionné sur tout un corridor, et même un corridor et demi, je pense, de la GE. Ouais, parce qu'il y en a deux qui sont dans deux autres corridors. Genre, puis ouais. Ça leur réunion. On est nombreux. J'ai le nombre de matchs. Tu vois, j'ai passé le temps pendant que tu trouvais ça, merci. Ça serait aux alentours de 45. Et boy, j'étais vraiment loin. Mon Dieu. Mais là, ça, c'est extérieur et local. Ok. Ça compte la saison au grand complet. Je pense que plus local. Je vois qu'il y en a trois en France, d'ailleurs. Ah, oui, ça, c'est pendant la saison morte, c'est le camp d'entraînement. Ah! Intéressant. On apprend les choses live de même à la radio. Comme ça, le bing-bang. Merci, Alex Marchand. Merci à vous de m'avoir accueilli, c'est bien apprécié. Un grand plaisir. On va merci retrouver... de t'être levé pour oui. nous. Ça m'a fait plaisir. Toi ou d'autres, dans une prochaine chronique, là, il va y avoir une rotation. Ce ne sera pas nécessairement tout le temps toi, mais jusqu'à maintenant, ça va très bien avec toi. Oui, super. Bien, je veux juste rappeler, par exemple, le 12 octobre pour le tailgate à 17h à la Chasse Galerie, juste pour le bénéfice de nos auditeurs, s'ils viennent d'arriver dans le parking, mm-hmm. Puis ils sont en train de marquer ça à leur agenda. Donc, c'est pas écrit dans l'agenda, c'est pas prévu encore, ça? Non, voilà. Je ne penserais pas que ce soit marqué. Non. Tailgate, 12 octobre à 17h, Chasse Galerie. Voilà. Oui, exactement. Merci Alex Marchand. Et merci à vous. Passez une bonne journée. Merci. On va entendre une pièce du palmarès anglophone. C'est une pièce de Croix avec River, parce que à la GQTR, ça coule comme. À l'assemblage Ricky. Ouais. C'est pas ta manière. Faire des fois, ouais, c'est ça. Tu pouvais même coller avec Twitter tantôt. On va prendre du café, ça va aller mieux. Again, the foe has come. The years left me alone. But I have grown to be the one I long to see. I went down. again. I gave my heart away to live another day. I thought I grew colder since I lost my sister. River par Croy featuring Tania Baudin. Merci, merci. Mais juste à la fin. Ouais, moi, je fais jamais les débuts, vous savez. Apparemment, qu'il y a, ben, au début, il y a un petit featuring d'Alex Marchand, apparemment, sur le début de la chanson. On retourne la pause. J'ai pas fermé le micro. On retourne la pause. On parle de microbrasserie à Assemblage Requis. Restez là. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Vous êtes à Assemblage Rocky en ce jeudi 6 octobre 2016. C'est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, pour la prochaine portion de l'émission, la prochaine 10, 15, 20 minutes, peu importe le temps qu'on va réussir à passer avec lui, parce qu'on le connaît pas tellement, on sait pas s'il va embarquer dans nos dans notre niaiseries. Univers. c'est Laurent Saint-Cyr. Salut Laurent, ça va? Bonjour, ça va très bien vous-même? Absolument. Très bien. Comment est-ce qu'on t'appelle? Lorenzo. Lorenzo, ben, c'est moi qui l'ai appelé tantôt de même, et il m'a dit c'est pas la première fois, c'est même le surnom le plus utilisé. Ouais, exactement. J'aime ça, la petite twist italienne, Vincenzo, Lorenzo, Matteo en espagnol. Hein? Pour ceux qui savent pas qui tu es. Fais-nous ton CV. Ben, très simple, j'ai étudié à l'UQTR en récréologie, donc j'ai terminé mon bac l'année passée, non, il y a 2 ans. Et là, en ce moment, je suis en train de faire une maîtrise en loisirs, puis je me spécialise vraiment sur tout ce qui est de l'aménagement urbain pour les transports actifs. Ouh. Wow, cool, transport actif, c'est, ça veut dire quoi, ça, mettons? Ben, moi, je me concentre principalement sur le longboard, qui est aussi un sport qui est utilisé pour les figures, mais aussi utilisé pour le déplacement. Mais sinon, ça rentre ce qui est roller, ce qui est vélo, ce qui est skate. Un adult scooter, là, une petite trotte, là. Hein? Non, ben, non? Ça compte pas vraiment parce qu'en fait, faut pas qu'il y ait de moteur. C'est la seule. Il voilà. Y a pas de moteur sur ma trotte, hein? Non? Ok, dans ce sens-là, ouais. Une petite trottinette, ouais, c'est transporté. Fait vraiment bébé, c'est des trottinettes, man. It's a trot. It's a trot. Donc, on est là pour parler du rendez-vous des microbrasseries, première édition, qui a lieu ce soir, 06 octobre 2016. Au 10-12. Exactement. En fait, le rendez-vous des microbrasseries, c'est un événement organisé par C'est Fou où on va rassembler 7 microbrasseries de la région plus une microbrasserie qui est invitée. Donc, sans plus attendre, je vais vous les nommer. Parce que je pense que c'est... On va les commenter. C'est ce qui est intéressant dans un rendez-vous des microbrasseries, c'est vraiment de savoir qui va être présent. Donc, tout d'abord, les deux principaux partenaires de l'événement, t'as le Temps d'une pinte et le Trou du Diable. Miam. Un incontournable. Génial. Le Trou du Diable de Shawinigan, Temps d'une pinte de Trois-Rivières, Centre-Ville, avec tous les outils, tout ça, là. Moi, ça me fait triper bien raide, cette place-là. Ah, c'est beau, hein? J'aime ça, ouais. Ouais, puis ce qui est vraiment intéressant avec ces deux microbrasseries-là, c'est qu'ils ont décidé de brasser une bière spéciale pour l'événement qui n'a jamais encore été faite. Donc, c'est un produit qui est exclusif. Oh, c'est le nom? Oui, exactement. On a été la goûter, par contre, je... Ah, tu peux pas le dire tout de suite, hein? Je vais pas le dire, mais ça s'en vient. Ah, OK. En fait, on a été la goûter samedi. C'est une blonde alsacienne délicieuse. Vraiment, ils appellent ça une Elsass bière. Et je suis sûr qu'elle va faire fureur. C'est un genre de bière qui se boit super bien rapidement. On sait que les étudiants n'est pas salés. Ça va vite. S'enfiler, mais ce qui est aussi bon en sortant qu'en rentrant aussi. Ils ont vraiment mangé ça. Mais ce qui est vraiment bon aussi, c'est que c'est une bière que les amateurs de bière vont pouvoir déguster puis découvrir toute la saveur à l'intérieur. Et sans plus attendre, le nom de la bière s'appelle la Mishmash. La Mishmash, oh, c'est cute. C'est parce vraiment. Que c'est de ça que vous allez avoir là, après la soirée. C'est pour la variété musicale, là, c'est fou. Exactement, parce que le nom provient d'un mélange de différentes cultures, de différentes sortes de bières, mais surtout d'une collaboration entre C'est fou, le temps d'une pinte et le trou du diable. Ah, c'est-tu pas magnifique? C'est de la poésie à travers la bière. C'est le mois de la poésie, je pense. Si ça a du gros succès, là, que tout le monde capote, là, ils vont s'y attacher, puis après ça, ils n'auront plus. J'espère qu'un jour, ils vont peut-être faire comme, ah, ben là, OK, on va l'appeler la bière C'est fou de bord, puis on va la vendre. On va la commercialiser. Au profit de C'est fou. On espère avoir ce succès-là, puis si ça marche si bien que ça, peut-être qu'elle va pouvoir faire revenir l'année prochaine, ben ouais. La deuxième édition. Ouais, c'est cool ça, à chaque année, la Mishmash revient à la même date, genre. Pendant le carnaval étudiant. Peut-être. Ah, oh, c'est bon. C'est moi qui n'ai pas pensé à ça, faire ça pendant le carnaval étudiant, ce festival de bière-là. Et non, en fait, le 6 octobre, on voulait tomber directement dans les festivités de l'Octoberfest. Ah, ben oui. Ben, même si tu savais que les Octoberfest sont pas mal toujours en septembre ou en novembre, on dirait. Non, c'est septembre, hein. Au Gambrini, c'est en septembre, je pense. Genre 30, 29 septembre. C'est tout l'automne, mettons. Tout l'automne. Ouais, c'est ça. Bref, on a deux de fêtes, il y en a d'autres, là. Oui, exactement. Donc, on a aussi le Bistro Basserie Les Sœurs Grises Trois-Rivières. Qui sont très belles aussi. Oui, ils sont installés cette année, ils viennent d'ouvrir, vont être présents. La microbrasserie À l'affût, bien reconnue à Saint-Tite, qui va être aussi présente. Le Broadway Microbrasserie à Shawinigan. Peut-être un peu moins connu, mais toujours de l'excellente bière. Le BW qu'on l'appelle des fois. Exactement, BW. Il y a aussi le Gambrinus, juste à côté de l'université. J'espère qu'ils vont m'amener un pichet de leur sauce à poutine à bière. Je pense pas que c'est prévu. Je pense pas que c'est prévu, mais tu pourrais peut-être faire une demande spéciale. Il est encore temps. Ouais, c'est ça. Vas-y, Mathieu, vas-y. Et finalement, la dernière microbrasserie, c'est la microbrasserie invitée de Drummondville au centre du Québec. C'est le Buck Ale. Oh, ça joue le mot avec Buck Ale et Buck Ale. Ah, et de l'ale comme de la bière. Exactement, t'as tout compris. Puis dans vraiment le marketing de la publicité, c'est important de dire le Buck Ale parce que c'est leur image de marque. Leur marketing, exactement, tu connais ça, là. Récréologie aussi, ça rapporte un peu avec le marketing quand même. Récréologie, c'est un peu de tout, fait que faut y penser. Donc, tous ces gens-là vont être là pour faire goûter de la bière. Comment est-ce que ça va se passer la soirée? J'ai vu les tables déjà dans le bureau de Jean-Philippe Charbonneau. J'imagine que c'est les tables qu'on va utiliser dans le zoo. Oui. C'est pas des foyers? Bien à l'envers, on dirait des foyers, mais c'est des tables apparemment. Exactement. En fait, l'événement commence à 3 heures. Il va y avoir les 7 kiosques de microbrasserie qui vont être présents, plus un kiosque de nourriture pour combler toutes les fringales. Est-ce qu'on sait Il y a des bretzels sur votre affiche. Est-ce qu'il va y avoir des bretzels sur place? Malheureusement, il n'y aura pas de bretzels. T'as encore le temps. C'est à 17h ce soir. T'as le temps d'aller chercher des bretzels au Costco. Va au Costco. Là. Achète des boîtes. C'est de la publicité mensongère. T'as des bretzels, c'est la pub. Non, en fait, c'est la saveur d'Octoberfest, fait qu'on voulait représenter ça comme ça, mais on n'est pas encore totalement avec les bretzels. C'est le salé que vous vouliez représenter. Mais c'est ce qui fait que les gens ont soif. C'est ça? C'est vrai? Définitivement, mais je te garantis qu'ils vont avoir soif quand même, quand ils vont voir toute la variété de bières qu'il va y avoir. Okay. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il va avoir un prix pour... Il patine bien, il patine! Vraiment, hein? Parce qu'on est là, puis on le pine, là. Il a l'affaire, là. Il va avoir des prix pour des dégustations, mais il va aussi avoir des prix pour des bocs complets, parce que, newsflash, il va avoir des bocs de... l'événement officiel. Donc, on a fait faire des bocs avec le logo de l'événement et les 200 premiers billets vendus va avoir droit à ce boc-là. Ben, il en reste encore un peu. OK. Mais pas tant que ça. Hey, le sky is the limit, c'est le budget de ça? Cool. On se dit, on y va pas avec le dos de la main morte, hein? Ça, faut que ça marche pour qu'on aille une deuxième, une troisième, puis une millième édition. Exactement. On a eu 1000 assemblages requis, faut bien qu'on aille 1000 Octoberfest. Rendez-vous des microbrasseries, première édition. Exactement. Puis ce qui est intéressant avec le rendez-vous, c'est qu'il va y avoir l'animation sur place avec le DJ Catardi que l'UQTR connaît très bien. Ben, Catardi, ancienne chroniqueuse au Palmarès, c'est fou. Oui, c'est elle aussi qui était présente avec nous au Salon des Vins. Absolument. Qui a fait un excellent travail. Une experte des salons, dégustations et. L'alcool. Exactement. C'est ça, l'alcool. Elle a travaillé au temple aussi. Catardi. Hey, j'avais écrit une chanson, elle aussi. Je te ferai entendre ça. OK, ouais. Avec elle. Avec, non, mais pour elle. Elle pour elle. Peut-être pas l'entendre. Ben, elle, j'ai fait l'entendre, puis elle était aussi sous le choc que le président de la GQTR. Okay. On s'en reparle, on s'en reparle. Okay. Puis, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va y avoir un 5 à 7 des professionnels de l'UQTR qui ont décidé de se jumeler à notre événement. Donc, on espère que ça va être un gros succès pour eux. Leur vente de billets va extrêmement bien. Et je suis sûr qu'on va pouvoir voir une couple de personnes qui vont avoir bien du fun là-bas. Donc, tout ça, là, c'est les gens qui travaillent à l'UQTR qui vont avoir un 5 à 7 spécial. Est-ce que pendant ce temps-là, les gens peuvent quand même rentrer? Oui, oui, sans problème. En fait, comme on l'a écrit sur l'affiche et sur les publications, c'est un événement qui est vraiment ouvert à tous. On ne veut pas que ce soit simplement des professionnels, on ne veut pas que ce soit simplement des étudiants. On veut que ce soit une belle occasion pour tout le monde de se rencontrer. Puis on a un peu monté la salle pour ça. Les kiosques sont de chaque côté et dans le milieu, il y a juste des tables bistro, fait que les gens vont pouvoir se rapprocher, être proches, discuter. Et ça va vraiment faire une belle ambiance d'événement où la bière va être à l'honneur, mais le fun aussi. Est-ce que vers une certaine heure, ça va virer plus étudiant ça, c'est sur certain. Party? On sait que, mettons, après 9h, ouais. Le beat de la soirée risque de changer. On va être plus dans les bocs que dans les dégustations. Et le DJ va être là pour ça aussi. Donc, nous, on va tamiser les lumières. Puis je pense que ça peut virer en belle soirée. Party. Ça se termine à quelle heure, tout ça? Ben on n'a pas d'heure officielle. En fait, on voudrait dire minuit, mais on va peut-être étirer plus loin que ça. Donc, c'est vraiment, on va y aller avec le vibe de la soirée, puis je suis sûr que ça va quand même finir tard. Ouais, cool. Si, mettons, c'est un gros succès, là, est-ce qu'il va y avoir une édition par année, une édition par session? Comment est-ce que ça va se retrouver? C'est quoi? C'est une édition par année, en fait, qui voudrait toujours revenir à peu près dans ces dates-là, début octobre, tout de suite un peu après les initiations, après le début de la rentrée scolaire, où le début du mois d'octobre est un peu plus mort dans les activités étudiantes. Il y a le FOM qui est juste un peu avant, il y a le F1 qui est un peu après, mais on voudrait que le rendez-vous des microbrasseries devienne un événement aussi connu, aussi couru que les autres événements qui se passent à l'université. Génial. Le prix d'entrée, je sais qu'on peut acheter les billets sur le pointdevente.com. Est-ce qu'il y a des billets disponibles à la porte? Oui, exactement. En fait, le billet est au coût de 10$. En ce moment, il est possible de l'acheter en pré-vente sur le pointdevente.com, comme tu as dit. Et ce qui est intéressant avec la pré-vente, c'est que tu as un buck garanti. OK. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de l'acheter maintenant. Sinon, à la porte, c'est quand même 10$. Par contre, les bucks, c'est s'il en reste, tu vas pouvoir en avoir un. Sinon, ben, tu vas avoir un verre. Il va être gratuit. Si tu c'était dans les premiers et qu'il en reste encore, ça va être gratuit. Oui, exactement. Ça va être inclus avec le 10$. En fait, nous, c'est le prix. C'est juste que l'avantage de la pré-vente, c'est que tu es assuré d'avoir ton bon. Génial. Pas d'excuses de ne pas de manquer ce rendez-vous les microbrasseries première édition. C'est ce soir. Ça commence, tu disais, à 17h. On peut se présenter là si on veut, mettons. En fait, l'événement commence à 3h. Donc, ceux qui finissent leur cours peuvent aller directement là s'ils veulent partir de leur soirée bien de bonne heure. Sinon, c'est sûr, il y en a qui vont en avoir. L'événement va se terminer en tard, puis il est possible de passer à travers toute la période entre 3h et minuit, même plus. Et toute la bière qu'il va y avoir. Il n'y aura pas de restants, je pense. Non, je suis sûr qu'il y a des restants. OK. Non, enfin, chaque microbrasserie va comme avoir son expert qui va expliquer les bières qu'ils vont faire déguster, c'est bien ça? Exactement. Chaque microbrasserie a leur kiosque avec leurs représentants et ils vont pouvoir tout vous expliquer si jamais vous voulez plus une blonde, une brune, si vous aimez la bière forte. Et je suis sûr et certain qu'ils vont avoir toute la bière pour tous les amateurs. Est-ce que ça va être un petit shooter de bière? On y va avec tes formats de dégustation. Ça, c'est à la discrétion des microbrasseries. Okay. Souvent, une dégustation, c'est entre 4 et 5 onces. Et un bock complet, nous, le bock est de 17 onces. Okay, c'est à peu près une bonne canette de 475. Ils ne remplissent pas ça pour vrai à chaque dégustation. Ils vont te remplir le bock? Non, en fait, pas une dégustation. Ça, c'est un bock. Okay. La dégustation, c'est moins que ça. Ils vont mettre le fond de ton bock. En fait, ils vont probablement te donner leur verre de dégustation, mais toi, t'as le bock. OK, le bock, je le traîner avec toi. Ben, tu peux l'utiliser plus tard dans la soirée. Ah, c'est ça, OK. Est-ce qu'il vient avec un petit clip pour la ceinture? Tu vas plus en traîner. Bref, les questions sont de moins en moins pertinentes, comme si on avait bu pendant tout le long de la chronique. Ah, c'est à cause des vapeurs. C'est des vapeurs des corridors, même si le président de la GIA disait tantôt que ça sentait bon. ça devait être du sarcasme. Le président de la GIE a dit ça sent tellement bon les corridors parce qu'ils font bien ça les concierges. Ben oui. On n'a pas les mêmes corridors. Chaque fois qu'on rentre le matin, ça colle. Ouais. Ça colle entre les pieds. Bref, ça va coller demain aussi. Ah, ça, c'est sûr. D'habitude, c'est le mardi à cause du karaoké. Donc, le mercredi matin. Mercredi soir, party, donc jeudi matin. Ce soir, le rendez-vous des microbrasseries va faire que vendredi matin, il va être aussi collant. Exactement. Génial. On espère avoir le plus de monde possible. On vous attend en grand nombre. Puis pour vrai, ça va être une soirée insane. Insane. Information sur Facebook. Cherchez rendez-vous des microbrasseries, première édition. C'est présenté par C'est Fou. Et Lorenzo Saint-Cyr nous a présenté ça. Merci. Tu repasses quand tu veux. T'es super bon. All right. Ben, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Génial. Bon rendez-vous ce soir. On va se voir. Oui, tellement. En fait, Tania et moi, on va être présents sur place. Oui. Et le plan est de faire des interventions pendant l'émission Très Blues à C'est Fou. Exactement. Donc, on va être là juste à côté. Puis on va crier jusqu'à la micro d'ici. c'est ça qu'on on a pas l'équipement pour ça. Ouais. Enfin, on va s'arranger. Bref, merci encore, Lorenzo. On écoute une petite pièce tant qu'à veiller jusqu'à très, très tard à boire de la bière. On va écouter La Nuit Tombée avec Adrien Soleiman. Hein? Sur les ondes de C'est Fou. 89 FM. We'll be right back.

Il y a tout le temps un chat dans ces affaires. Non, pas dans le palmarès du monde. Il y a T'as raison. Ça manquait d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils me sont été retirés des ondes. Ouais. Hein? Parce qu'on m'a dit, tu mets un chat ou sinon t'es out. Ben, et t'es out. Ouais. Clairement, t'es vraiment très, très out. Comme dans genre, plus à mode pas. Hey, j'ai pas de chat dans la piste avec Tania Baudin. Ça manque aussi. C'était ta dernière. C'est ça, Tania. Non, mais dis-toi que grâce à ton émission, tu parles des moteurs qui ronronnent. Ah, c'est long. Je pensais qu'elle allait encore faire du lichage à outrance, comme d'habitude. Ouais, moi avec. Mais non. Mais non, détrompez-vous. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je vais manger mes émotions, est-ce que je peux? Il y en a juste 6 dans l'emballage, vas-y lentement. David Ferron, donc l'homme trotteur, mercredi à 19h. Merci pour ta participation à cette chronique qui est d'une grosse pointe d'adresse. Ben, merci, quand c'est de la bonne nourriture, ça fait toujours plaisir. Quand t'es dans un parage, une fois de temps en temps, on t'invitera. Là, bonne au goût, bonne pour la santé, probablement qu'on repense. Peut-être pas. Nous, on va prendre une petite pause. Au retour, on va continuer avec une deuxième portion d'une grosse pointe d'adresse, cette fois-ci sur les nouvelles de fast-food. Donc c'est au retour à Assemblage requis, restez là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage requis en ce jeudi 6 octobre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Je suis en train de finir ma bouchée de passion flaquie à Zipouille. Je suis en train de faire une crise de hypoglycémie. Ah oui, pour trop de sucre, hein? Oui. Imagine, hey, David m'en a pris un pour emporter. Ouais, je sais. Un pour la route. C'est, il va péter aux frettes s'il en mange deux. Tu sais, le gars, il fait des chiffres de 15 heures de suite. Ah, il a besoin de sucre. Là, c'est pas ça. Il a le droit. Donc, comme je disais, toujours à Assemblage requis, c'est toujours la chronique une grosse pointe d'adresse. Et comme ça me tente, puis que c'est moi qui décide, on remet l'intro. Ouh! Ouh, une grosse pointe d'adresse. Le gars, il lag sa technique à matin, ça se fait pas. Hein? Il lag. Une grosse pointe d'adresse, on a goûté tout à l'heure à passion flaquie, citrouille et épices. C'était notre produit testé. Et pour accompagner la chronique, on fait toujours des nouvelles de fast-food. Donc, allons-y à l'instant. En commençant avec des burritos. Des burritos avec de la sauce. Depuis le 27 septembre, Moe's Southwest Grill fait la promotion de leur nouveau Smothered Burritos. Donc, c'est une addition à leur menu qui vous permet de choisir votre burrito préféré avec une des sauces signature de Moe's. Donc, t'as Hatch Green Chili, Red Chili et Mole. T'as aussi Queso Fresco et Cilantro. Donc, les burritos, pas trempés, mais j'irais accompagner de son coulis. On n'a pas de restaurant ici à Trois-Rivières qui font que des burritos. C'est dommage. Il y a les pit-pit qui ressemblent un peu, mais c'est pas nécessairement des burritos. Et t'as pas, il me semble c'est du mexicain. Oui. Restaurant mexicain, en général. Je sais. Je pense pas qu'on a ça même. C'est servi avec un à côté de guacamole, le crème sure et le pico de gallo. Disponible pour un temps limité seulement. Pico de gallo, c'est le truc aux tomates. Là. Oui. C'est vraiment super bon. Guacamole aux avocats. Bien sûr, crème sure à la crème sure. Ça a l'air délicieux. Smothered Burritos. Évidemment, quand on vous parle de produits qui sont aux États-Unis dans des petits restaurants, c'est pour vous inspirer à faire peut-être votre propre burritos. Ou votre propre restaurant mexicain, puis venir l'instaurer à toi. Exactement. Starbucks donne quelque chose d'incroyable. Tu sais que récemment, c'était la journée nationale du café. On n'a pas trop parlé parce que c'est du bonjour, j'imagine, on en a parlé, puis on essaie de faire autre que ça. Je remercie mon ami Pam Caron qui m'a envoyé une vidéo cette journée-là qui était hallucinant. Donc, à la place de donner du café gratuit, Starbucks faisait quelque chose de différent pour le National Coffee Day le 29 septembre dernier, en donnant, bon, évidemment, à la place de donner un café gratuit, donner un arbre de café gratuit, exactement, à des fermiers de café dans le besoin, pour chaque tasse, donc, de Mexico Chiapas vendue. La rouille de café, c'est un... pas le champignon, genre, qui attaque les arbres, qui est un problème qui affecte les fermes de café en Amérique latine. C'est difficile pour les fermiers de produire un produit de haute qualité. Donc, Starbucks voulait faire sa part en donnant autant d'arbres résistants à la rouille que possible. Et plus tard, ça fait des graines de café qui éventuellement deviennent une livre de café lorsque c'est terminé. Selon Starbucks, je cite, en seulement un an, la compagnie a donné assez de fonds pour planter 18 millions d'arbres de café résistants à la rouille. 10 millions ont déjà été distribués depuis l'été qui vient de se terminer à des fermiers dans le besoin. Donc voilà, vous n'aviez pas droit à un café frappuccino gratuit pour la National Coffee Day, mais à la place, un arbre, ce qui est encore plus meilleur, plus bon pour le futur, plus pour le monde. Ensuite, on va chez McDonald's qui, on a parlé tantôt de mettre un coulis sur des burritos. Maintenant, McDonald's teste des garnitures pour aller sur leurs crêpes. Hein? Ouais, donc depuis des décennies, les deux seuls à côté ou ajouts qu'on pouvait avoir sur les crêpes, les hotcakes chez McDonald's, c'était du beurre et du sirop à pancake. Mais la chaîne de fast-food teste maintenant d'autres garnitures selon Impulsive Buy. C'est à Naperville en Illinois. Parmi les options, il y a de la crème fouettée avec fraises et garniture de pépites de chocolat. Sinon, t'as aussi de la crème fouettée toute seule avec une cerise sur le dessus. Les ingrédients sont trouvés de toute façon dans les cuisines de McDonald's. La crème fouettée et les cerises sont utilisés pour les milkshakes, les laits frappés chez McDonald's. Les pépites de chocolat, c'est pour le McFrappé, le McCafé frappé chocolate chip, donc frappé au besoin de chocolat. Et la garniture aux fraises, c'est la même affaire que dans leur sundae aux fraises. Voilà. Donc, des ingrédients que McDonald's avait déjà, mais qu'on met sur des crêpes. Ça dit même le nombre de calories sur la publicité, donc 70 calories pour les fraises, 60 pour la crème fouettée, 60 pour les pépites de chocolat. Ben voyons donc, les fraises sont plus caloriques que le reste. Je te jure. 30 cents d'extra pour les fraises, c'est gratuit pour la crème fouettée et 25 cents d'extra pour les brisures de chocolat. Là, ça me surprend, gratuit pour la crème fouettée. Ouais. Ouais. Ensuite, Red Robin aux États-Unis sort une bière inspirée par les hamburgers. Ouh, d'accord. Donc les burgers inspirés par la bière, c'est quand même assez commun, mais des bières inspirées par les burgers, c'est un petit peu moins commun. Et c'est ce que Red Robin a décidé de faire avec la Grilled Pineapple Golden Ale. Donc, s'inspirant du Banzai Burger de la chaîne et créé en partenariat avec New Belgium Brewing, la nouvelle bière inspirée par les hamburgers va faire sa première apparition au Great American Beer Festival qui a lieu maintenant du 6 au 8 octobre 2016 à Denver, au Colorado. La nouvelle bière vient à 5,5% d'alcool par volume avec un petit peu de gingembre, cassonade, du malt noir. Ça? Oui. Pour des notes de soya et de umami. Umami, c'est un genre de goût... c'était quoi déjà? Ben, ça dit comme délicieux, mais il n'y a pas vraiment de définition de umami. C'est comme quelque chose d'umami. Ouais. Allez voir sur Wikipédia, il y a plus de définitions sur umami. En fait, je pourrais peut-être le faire pour vous. Alors, on a déjà parlé une couple de fois, puis j'arrive jamais à le... Ça se décrit peu... ça se décrit pas un peu de mots. C'est une des cinq saveurs de base avec le sucré, l'acide, la mer et le salé. Donc, c'est emprunté au japonais, ça veut juste dire goût savoureux. C'est qui regroupe tous ses sens, là? Genre, c'est comme un mélange de plein de choses. Ça a un goût durable et doux, provoque la salivation et une sensation de fourrure sur la langue en stimulant la gorge, le palais et le dos de la langue. L'umami n'est pas savoureux en soi, mais il améliore la saveur d'une large variété d'aliments, surtout en présence d'un arôme assorti. Mais comme les autres saveurs de base, à l'exception du saccharose, l'umami n'est agréable que dans une gamme de concentration relativement faible. Le goût umami optimal dépend également de la quantité de sel et en même temps, les aliments hyposodiques peuvent maintenir un goût satisfaisant en une quantité appropriée d'umami. Donc allez voir la page Wikipédia qui a pas mal de paragraphes si vous voulez en savoir plus. Ça. J'étais donc en train de dire que c'était des notes umami et soya avec un petit peu d'ananas et de malt fumé au bois de pommier. Hein. Donc la bière est inspirée par le teriyaki et le profil ananas de ce burger. Le Banzai Burger, c'est une boulette grillée sur le grill à la flamme, glacée de teriyaki, d'ananas grillé, de cheddar, de laitue, de tomate et de mayonnaise sur un pain, évidemment, au sésame. C'est seulement disponible chez Red Robin au Colorado jusqu'à épuisement des stocks. On vient chez McDonald's qui amène les frites citrouilles et chocolat pour l'Halloween au Japon. Ouh, OK. Oui, donc on l'a adopté. Évidemment, on a fait ça plus pour le look, l'apparence orange et brune. Donc McDonald's au Japon sort ses frites françaises, donc des French fries, avec garniture, un petit coulis de sauce à l'orange et à la citrouille, ainsi qu'une sauce au chocolat. Une sauce brune à partir du 28 septembre, donc c'est déjà fait. La sauce à la citrouille n'est pas à la citrouille épicée comme on le connaît traditionnellement. C'est plus à la vraie citrouille, une sauce à la vraie saveur de citrouille. Alors que la saveur qu'on a d'habitude dans de la citrouille épicée, ça goûte pas vraiment à la citrouille en tant que telle, comme on l'a dit. Comme tout à l'heure. Comme nos passions flaky. Donc le nouveau plat est une variation de leur McChocolate Fries que la compagnie a amené plus tôt cette année au Japon. Le prix de ces frites avec garniture orange et brune et de 330 yens, environ 3,30 américains, jusqu'à la fin du mois d'octobre, jusqu'à épuisement des stocks. Et c'est pas la première fois qu'on a quelque chose de thématique orange et noir-brun pour l'Halloween dans ce pays-là. En 2014, ils offraient une paire de burgers à thématique Halloween ainsi qu'un McFlurry au Oreo et à la citrouille. Cool! Allons-y avec un autre bloc. Je les charge bloc par bloc aujourd'hui, donc on va remplir pendant que ça charge. Ça te dérange pas? Ben non. Le prochain, c'est... en fait, le prochain, c'était... Je pensais que je l'avais, mais non. Oui. C'est le Arnold Palmer Drink. Est-ce que tu te rappelles du golfeur Arnold Palmer qui est mort dans les derniers jours? Ça me dit quelque chose? Oui. Ouais, il y avait une boisson préférée qu'il aimait beaucoup. Donc, le 25 septembre dernier, Arnold Palmer est mort à l'âge de 87 ans, laissant derrière toute la légende de sa carrière dans le monde du golf, mais pas juste ça. Il a le mix parfait de thé glacé et de limonade qu'il a popularisé lui-même. Ah ouais? En 2012, le golfeur célèbre est apparu à ESPN sur l'émission 30 for 30, où il expliquait comment lui et sa femme Winnie avaient trouvé le concept gagnant pour cette boisson. Donc, je vais citer mais en paraphrasant un petit peu. Sa femme faisait beaucoup de thé glacé pour le dîner. Il a dit « Hey babe, j'ai une idée. Tu fais du thé glacé, tu fais un gros pichet et on va juste faire un petit peu de limonade, on va la mettre dedans, voir ce que ça donne. » Donc, ils ont mélangé ça. Ils ont trouvé la solution parfaite, le bon calibre. Tout ça. Il a bu ça pour le dîner après avoir joué au golf, bien sûr. Il s'est dit « Waouh, mais c'est donc bien bon, great babe. C'est great babe. » Ben oui. Donc, je vais prendre ça, je vais mettre ça pendant que je joue au golf, c'est ce qu'il s'est dit. Je vais mettre un thermos de thé glacé et de limonade et comme ça, ça a créé le Arnold Palmer. Voilà. Donc, il y a un grand groupe de fans, de suiveurs. On les appelle les Arnie's Army qui ont aidé à faire de ce drink un drink populaire partout au pays. Après une chaude journée de golf dans les années 60, Palmer a commandé un mix de thé glacé de limonade à Palm Springs en Californie. Une femme l'a entendu faire ça, demander à la serveuse de faire la même chose en appelant ça « Hey, le drink de Arnold Palmer. » Et plusieurs années plus tard, c'est toujours connu. Et maintenant, il y a même des 50-50, des half and half dans les thés glacés. Thé glacé limonade, t'as sûrement déjà vu ça en épicerie, un half and half. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, on parle de Gwyneth Paltrow et sa recette de carbonara qui va devenir votre prochain repas préféré en semaine. OK. Ouais, donc c'est un nouveau livre de cuisine de Gwyneth Paltrow et rempli de repas de soir de semaine, facile à faire, dont une recette de pâte carbonara. L'actrice et mère dit dans l'introduction en page 66 que le carbonara est le souper parfait pour les paresseux. C'est confortable, réconfortant et facile à faire. Sans mentionner le fait que presque tout le monde a les ingrédients déjà à la maison. Hein? Oh, Gwyneth, je l'aime, Gwyneth. C'est donc que tu as des spaghettis, t'as ça, des spaghettis? Oui. Du bacon dans le congélateur, t'as ça, des œufs, ainsi que du fromage parmesan, t'as tout ce qu'il te faut pour faire un plat de pâte carbonara. Sa recette est assez standard pour les carbonara, donc si vous en avez jamais fait à la maison, ce serait un bon point de départ. Donc on peut utiliser soit du bacon ou de la pancetta, et vous allez vous assurer que vous gardez le gras à côté. Après avoir mis la viande sans le gras, hein? Et ça va faire une saveur un petit peu plus fumée et plus salée dans la sauce en rajoutant le gras dedans. Voilà. Et là, le reste de la recette, là, bon, je pourrais continuer longtemps, là, mais je vais pas faire la recette au grand complet. Je vais vous parler des ingrédients. Pancetta, bacon, des jaunes d'œufs, un gros œuf, une tasse et demie de fromage parmesan, une cuillerée à thé de poivre noir et un petit peu plus si vous en voulez, et 3/4 de livre de bucatini. Donc, allez voir ça. La recette est en 6 étapes super simples. Et le lien de ça et du reste, c'est dans les notes de l'émission 1002 d'Assemblage requis, la recette de carbonara de Gwyneth Paltrow. On n'est pas l'émission de recette, je vais pas la faire au complet quand même. On parle de Doritos maintenant. Les Jumpin' Jack Cheese Doritos sont de retour en magasin aux États-Unis. C'était pas mal plus beau dans un sac rétro. C'était sorti en sac rétro il y a quelques années aux États-Unis. Et au Canada, on avait eu le sac rétro aussi, mais seulement pour la saveur originale de Doritos. Ouais. Donc la saveur Jumpin' Jack Cheese, elle, aux États-Unis, était sortie en sac rétro. Maintenant, ils sont de retour en sac normaux. Donc c'est de retour, j'imagine, dans la collection, à temps plein de Doritos. C'était un vote du public pour trouver la saveur préférée et puis c'est ce qui a gagné, donc Jumpin' Jack Cheese. Ensuite, les M&M de la collection du designer Stark. T'as sûrement vu les canettes de Coke, en fait, oui, parce que je l'ai montré hier quand j'en ai acheté une, de Coke Diet avec des designs d'artistes. Tu sais, c'est super cute, la petite canette a plein de couleurs dessus. Ben, M&M fait la même chose, c'est une version sac de designer. C'est un peu bizarre, c'est pour célébrer le 75e anniversaire de M&M. Donc, ils se sont assemblés avec le designer de mode danois, Camilla Stark. Est-ce que tu sais si on prononce Stark ou Sterk? Je pense que c'est Stark. Stark. Pour créer donc des sacs avec motifs imprimés animaliers. Oh, OK. Donc, c'est super fancy à l'extérieur, mais toujours le même bonbon à l'intérieur. Si on décrit le sac de M&M aux peanuts par Stark, on voit genre une... Colin, on dirait un bretzel ou des bulles dans une bière. Ouais. C'est comme des picots beige et brun. C'est pas très, très designer, mais non. Ça dit motif animalier. Fait que j'imagine que c'est supposé être un genre de guépard. Ah, peut-être. Sûrement. Peut-être. Celui pour le chocolat au lait, ça a l'air un petit peu zébré brun, je te dirais. Ouais, c'est pas super cool. Brun foncé et brun pâle. Non, pour vrai, ça m'atteint pas du tout. Moi non plus. Je pense que même les fans de mode vont pas trouver ça particulièrement non. beau. Mais c'est pour le 75e anniversaire, comme on disait, de M&M. Ensuite, continuons avec Dunkin' Donuts qui amène du chocolat chaud au Oreo. Hein? Quand même, pas pire. On n'a pas de Dunkin' Donuts dans le coin, malheureusement. On en parle une fois de temps en temps, comment on est jaloux des villes comme Montréal qui ont Dunkin' Donuts. Donc, Dunkin' qui ajoute une sélection de chocolat chaud cet automne avec le nouveau chocolat chaud au Oreo. Disponible pour un temps limité pendant l'automne et l'hiver dans les Dunkin' Donuts participants. La boisson va avoir les saveurs familières du biscuit et de la crème de vanille. Et ça joint une sélection qui inclut déjà le chocolat chaud original ainsi que le Dunkachino. La chaîne a aussi plusieurs autres boissons et beignes pour l'automne de disponible, comme on l'a annoncé dans de précédentes chroniques. Les Reese's Pieces, on a parlé de M&M tantôt, mais moi je préfère les Reese's Pieces de loin parce qu'il y a du beurre de pin dedans et c'est vraiment bon. Et maintenant, on a les Reese's Pieces Peanut. C'est-à-dire des Reese's Pieces comme on les connaît, beurre d'arachide, des petites coquilles de chocolat avec une peanut en dedans. OK. Hein, une vraie peanut, une arachide. Donc, c'est un bonbon au beurre d'arachide couvert d'une peanut dans une coquille croquante. Tu comprends? C'est comme... OK, ouais. Donc, autour comprends. De la peanut, il y a quand même un petit peu de beurre de peanut mou. Oui. Et la coquille de chocolat est à l'extérieur. OK. Ça a l'air vraiment bon. Reese's Pieces Peanut, disponible en king size en plusieurs formats. J'espère qu'on va voir ça au Québec bientôt. Ensuite, quelques personnes très braves ont essayé le Bailey's à la citrouille épicée. Tu sais que Bailey's a sorti plein de saveurs. Moi, j'ai pas aimé grand-chose dans les saveurs de Bailey's. En j'aime la saveur originale. Moi aussi, c'est ce que j'allais dire. Je vais te goûter, mettons, il y en a une aux cerises noires, aux biscuits crème. J'ai essayé à la menthe. Ah, menthe, parce que je suis genre à manger beaucoup de chocolat à la menthe. C'est t'es mon très chocolat fancy, préféré. Toi. Hein? Pas vraiment, mais à part ça, non, je m'en tiens à l'original. Moi, je trouve que les bouteilles avec la saveur particulière dedans est trop longue. Ils devraient faire ça en petites bouteilles, les saveurs spéciales. C'est vrai. Je trouve que c'est trop pour moi. Je me tanne vite. Mais bref, peut-être pourrons-nous nous tanner vite de ce Bailey's à la citrouille épicée, édition limitée. Pour 2016, Pumpkin Spice Bailey's Irish Cream. Attends un peu. Non, c'est ça. C'est pas Irish Cream. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? 20$, c'est le prix, j'imagine. Attends un peu. Ouais. Édition limitée, fait avec de la cannelle, voilà. Cannelle, clou de girofle, noix de muscade et vanille. Donc, c'est le Bailey's que vous connaissez avec un petit twist, une petite twist automnale. Les gens de chez PopSugar.com l'ont essayé. Donc, voici quelques citations pour vous tenter. Pas aussi mauvais que j'aurais pensé. OK. Serait très bon avec un chai latte avec de la mousse. Ah, oui. Même contenu d'alcool que le vin. Donc, je le boirais tout seul. Moi, c'est ce que je fais en tant que tel. Ouais, moi aussi. Sur glace, vraiment ça très dépend bon. Des fois, je vais prendre des cafés Bailey's, mais je vais être au restaurant, mettons. Ouais. Chez moi, je vais me prendre un verre de Bailey's. On a pris un hier, en fin de journée, et... C'est vrai. Ça m'a donné très mal au ventre, donc on fait plus ça. Une autre citation, je l'ai mélangé dans du café à infusion à froid. Ça goûte comme un pumpkin spice latte normal glacé. C'est quand même un bon on peut pas dire ça un endossement, mais bref, un bon point pour. Sinon, c'est très très doux et il n'a pas d'arrière-goût alcoolique ou alcoolisé. Et l'autre dit trop de citron épicé pour moi, j'y arrive pas. Donc ça dépend, ça a l'air assez partagé. Ensuite, les Ruffles Flame Grilled Cheeseburger sont de retour. Les Ruffles au cheeseburger grillé sur le grill sont de retour aux États-Unis. Je me rappelle qu'il y a plusieurs marques canadiennes, dont le choix du président, qui en font. Je me rappelle pas d'avoir vu les Ruffles au cheeseburger. J'en ai vu à plusieurs autres saveurs depuis quelques années, mais je crois pas avoir vu celui-là, donc celui-là va s'en venir, j'imagine, très bientôt. Tropicana ajoute des probiotiques à sa nouvelle ligne de jus. Apparemment, il y a des gens qui ont besoin de plus de probiotiques dans leur diète et ils pensent donc chez Tropicana que les gens vont vouloir boire du jus. Donc, les Tropicana Essentials Probiotics, c'est une ligne 100% jus avec probiotiques ajoutés. C'est d'habitude, les probiotiques, c'est populaire dans le yogourt, dans le kombucha, dans les suppléments diététiques. Et généralement, on dit que ça va améliorer votre santé. Donc, Tropicana Essential Probiotics, c'est disponible en 3 saveurs. Fraise banane, ananas mangue et pêche fruit de la passion. On dit qu'il y a 1 milliard de cultures actives ou vivantes par portion de 8 onces. Aucun sucre ajouté, aucun agent de conservation ajouté et aucune saveur artificielle. On peut présentement les trouver dans des magasins aux États-Unis à partir du mois d'octobre, oui, voilà. Et on prévoit que ce soit partout dans le reste du pays au début de 2017, et j'imagine au Canada, parce que Tropicana, c'est d'habitude des produits qui sortent aux États-Unis, on les retrouve ici assez rapidement. Ensuite, une chose que tu devrais ajouter à tes œufs brouillés. Est-ce que tu sais ce que ça... Est-ce que tu as une petite idée de ce que ça pourrait être pour améliorer tes œufs brouillés? Un ingrédient à ajouter. De la sauce épicée? Peut-être de la sauce épicée. Je sais que du côté du Texas, ils font ça. Il y a des gens qui ajoutent du lait à leurs œufs brouillés, oui. De la crème, certains. Il y en a qui du vont... Poivre. Du poivre, oui. Certains vont brouiller. Moi, je fais ça. Pour vrai, moi, j'adore le poivre. Dans tout, donc je te crois là-dessus. Et il y en a qui le mettent dans du gras de bacon. Ah ouais. Pour faire leur crêpe. Après avoir essayé tout ça, la chose qu'il vous manquait, quand on t'a mis le doigt directement dessus, c'est de la sauce Worcestershire. Oh, OK. T'as dit de la sauce piquante, je pense que ça compte là-dedans. Donc, c'est un commentaire Facebook sur popsugar.com, encore une fois, qui parlait l'article des chefs et comment ils faisaient leurs œufs brouillés. Donc, la sauce qu'on utilise souvent pour les steaks et pour les Bloody Marys est faite d'anchois. Est-ce que tu savais ça? Ah oh non, je savais pas. D'ail, de vinaigre, de mélasse, de sel, d'oignon, de poivre, chili et de d'autres épices. C'est les ingrédients de la sauce Worcestershire. Donc, comment est-ce que ça goûte dans des œufs brouillés? On nous dit que c'est intéressant d'une bonne façon. On recommande d'ajouter 1/4 de cuillerée à thé, oui, de sauce Worcestershire pour chaque 2 œufs. Et on recommande de battre ça avant de faire cuire les œufs à faible sur le rond et très lentement. Et la sauce est déjà salée, donc t'as pas besoin d'ajouter plus de sel. Les œufs vont développer un goût, tangy, genre, qui vont pogner dans les joues un petit peu. Ouais. Fumé, riche en umami, comme on l'a dit tantôt, qui ressemble pas à des œufs brouillés que vous avez déjà goûté. Si vous avez donc de la sauce Worcestershire dans votre appartement maison, essayez-le donc. Hein? Et donnez-nous des nouvelles. Au bureau de poste à Trois-Rivières, tu connais l'entrée de rondelle d'oignon. Oui. Qui est excellente, on adore ça. Maintenant, Outback Steakhouse aux États-Unis amène une tour de steak avec des rondelles d'oignon dessus. Tu sais, après la tour de rondelles d'oignon, imagine un steak en dessous, comment ça serait cool. Donc, c'est les nouveaux Towering Steaks. Donc, on ajoute plusieurs composantes verticalement en haut d'un steak. Donc, tu as le Towering Beer Battered Onion Ring Filet. Donc, c'est une pile de rondelles d'oignon à la bière. Sur le dessus d'un filet assaisonné qui lui-même est perché sur un gâteau de patates brunes grillées. Okay. Non, pas patates brunes, mais patates grillées, là, comme chez McDo. Et le Towering Grilled Shrimp on the Barbie Filet. Donc, c'est le même filet et la même patate, mais avec dessus une baguette, un peu comme un kebab de crevettes alignées vers le haut. Mm. C'est super cute. Donc c'est super, c'est vraiment une gimmick aussi, c'est sûr, mais c'est une nouvelle promotion qui te demande donc de déconstruire la tour avant de manger ou de manger tout en ordre de haut en bas, avoir un steak froid. C'est ça que je comprends moins un petit peu là. Ouais. Si tu défais la tour en tant que telle, ça défait un peu le principe d'avoir une tour. En effet. Mais bon. Ouais. Les nouvelles assiettes sont disponibles pour un temps limité dans les restaurants participants à partir de 15,99$ américains. Chez Outback Steakhouse. Il nous en reste 3, je pense qu'on a le temps de finir. Dunkin' Donuts donne à Starbucks un petit fil à retordre avec une nouvelle excitante. Lors de la journée nationale du café, Dunkin' Donuts a profité de l'occasion pour annoncer ses plans de faire des cafés en bouteille comme Tim Hortons au Canada comme Starbucks. Donc la compagnie s'est assemblée avec Coca-Cola pour fabriquer et distribuer ses Ready-to-Drink Coffee Beverages, donc des RTD, Ready-to-Drink. Donc on va pouvoir boire du Dunkin' toute la journée. Ça va être lancé au début de 2017, disponible en épicerie et en dépanneur. Fabriqué avec des grains de café arabica. Et c'est à peu près ça. J'ai hâte de voir si ça se range jusqu'ici. Parce que Dunkin' Donuts fait du café en canne aussi, en grosse canne, pour faire du café à la maison dans ta cafetière. Et il n'y en a pas ici. Donc s'ils n'ont pas ça, j'imagine qu'on n'aura peut-être pas leur café glacé. Little Caesar teste des pizzas avec une croûte assaisonnée style smokehouse. OK. Nouvelle pizza donc, qui vient avec du brisket, c'est une sorte de viande, ça, et une croûte assaisonnée smokehouse. Avec de la sauce barbecue, porc effiloché, bacon au bois de pommier, et sur une croûte faite à la main dans la succursale. On appelle ça comme un dry rub, un petit peu comme un dry rub. Donc la nouvelle Smokehouse Pizza coûte 9$ pour une large. On l'a vu à Zapata au Texas, ainsi qu'à Lexington dans le Kentucky. Assez commun quand même, nous dit-on, chez BrandEating.com d'avoir une pizza barbecue, mais du brisket et une croûte assaisonnée de Smokehouse que la moyenne. Je vais juste chercher l'équivalent de brisket en français parce que je ne suis pas certain pour m'en assurer. C'est une poitrine de bœuf fumé. Donc, c'est ce que j'avais dit, une sorte de viande. Ouais. Donc, du brisket. On appelle ça aussi du poitrail en français, des fois. Du poitrail. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Moi non plus. Et finalement, une pizza au pumpkin spice latte. On a parlé tantôt de citrouille épicée. C'est ce qu'on a goûté dans le Passion Flaky. Donc, rassemblé avec de la pizza. Pumpkin spice latte pizza. Vous pouvez avoir la recette sur assemblagerequis.com. Encore une fois, une note d'émission 1002. On dirait qu'il y a des guimauves dessus, mais je pense pas que ce soit des guimauves. La recette n'est pas sur l'article, je vais aller voir. Moi, je pense pas non plus. On va aller voir pour être sûr. C'est un article de BuzzFeed, en passant. Des guimauves brûlées, là. Guimauves brûlées, voilà. C'est ce qu'on voulait savoir. Bref, voilà pour une grosse pointe en dresse. Et c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui aussi. Chronique qu'on a dû accélérer enfin, mais quand même, je pense qu'on s'est rendu à bon port. On est en feu, On est en feu. Encore sur le high de sucre des passions flaquies. Voilà pour l'émission. Merci à David Ferron qui a participé aujourd'hui au début de la chronique, une grosse pointe adresse. Merci à Alex Marchand de la GEQTR. Merci à Lorenzo Sassir pour le rendez-vous des microbrasseries. Ça a lieu ce soir, aujourd'hui, en après-midi à partir de 15h au 10-12. Oui. 10$ par personne. Bug gratuit pour ceux qui arrivent en premier s'il en reste. Oui, les 200 premiers qui vont arriver vont avoir un buck gratuit. Et si vous achetez votre billet sur lepointdevente.com, vous allez avoir le buck garanti. Donc, il y a encore une coupe de disponible. Donc, le rendez-vous des microbrasseries cet après-midi à 15h au 10-12. C'est présenté par C'est Fou, bien évidemment. Voilà. Colin, on se retrouve lundi entre 6h30 et 9h30. Restez sur nos ondes plus tard aujourd'hui à 9h30 dans quelques instants. Ce sera Génie en liberté. Ensuite, à midi, la rediffusion du Mathieu Plante Show. À 15h, la rediffusion de la sortie de secours à votre gauche. À 16h, Radio Sonic. Et 18h, Lob Trotter. Tout ça en rappel. On revient en direct à 19h pour l'émission Très Blues Assez Fou avec Denis Baudin, qui nous passe du blues et d'autres musiques associées à ça. Et Tania et moi, on va être présents. Qu'est-ce qu'on va faire à Très Blues Assez Fou? On va faire une apparition dans l'émission. On va venir vous présenter qu'est-ce qui se passe du côté du 10-12 pendant la soirée des rendez-vous de la microbrasserie. Génial! On se quitte sur les deux luxes Springtime Devil. On se retrouve lundi à 6h30. Bonne fête de semaine! Bye! Tongue, the same old thing that I heard sung to me last spring. You're living off a memory of youth, my love.